Ça y est, t'as fini de lever de la pâte? Je suis même pas allée à la danse. Quoi? Je suis pas allée. Vous avez pas Pas vu ce les gars soir. Pauline dans ses vidéos de danse? Non? Elle fait un grand écart facial. Oh, magnifique. Ça vaut le coup. Ouais. D'ailleurs, tu joues quoi du. Tu joues du 44, 45, non? Oui, c'est ça. Bon! On y va, je Oui. suis chaud là. Ouais, moi aussi, je suis Sinon, chaud. je vais m'endormir après. Mais non, t'inquiète pas. Hein? Comme on dit, un suppôt est au lit. T'as pas encore pris ton suppôt. Non, pas encore. Bon, bah, c'est pas encore. Bienvenue pour ce nouveau podcast de Marvelicious. Je ne sais pas le combientième, mais on cherchera et puis on regardera. Voilà, un podcast partie 2 sur Loki, la série Loki, sur Disney+. Voilà, qui est une compagnie qui appartient à la célèbre firme aux grandes oreilles. Je suis assisté de trois personnes. Alors, on va commencer par le retour. On va l'appeler Jésus. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas, mais il est comme Jésus, la barbe de Jésus, la coupe de cheveux de Jésus, les mêmes lunettes de vue que Jésus. Voilà. Voilà. C'est mon binôme à qui j'ai commencé le podcast avec Pauline. C'est Mika. Bonjour Mika. Et bonjour à tous. Ça va? Écoute, ça va et toi? Ça va. Ça va. Et nouvelles lunettes ou pas? Nouvelle lunette de vue, enfin. D'accord. Et nouveau logement du coup? Parce qu'il nous a dit qu'il a déménagé, c'est pour ça. Nouveau logement, enfin aussi, ouais. D'accord. Bon, bah écoute, ça s'est bien passé le déménagement? Écoute, tout s'est bien passé, on a enfin installé et on est de retour, du coup. Bon, bah c'est super. Et je suis assisté de Miss Choucroute 2019, qu'on peut appeler Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Bon, ça va? Oui, en forme. Enfin, c'est vrai qu'on a commencé l'aventure ensemble. Et Exactement. avec Benjamin. Mais Benjamin, il n'est plus là. C'est fini. Pas l'autre. Voilà. Vous savez pourquoi, non? Vous savez pas, non? Ben non, non. Ah non, parce qu'en fait, il a eu un bébé. Du coup, il passe. Voilà. Donc, du coup, il est avec. Il profite de sa famille. C'est pour ça. Il a bien raison. Il faut profiter de ses enfants. Ça va, Pauline? Ça va, je suis prête. T'es prête? Elle revient de la danse. Non, Prête. même pas. Pas ce soir. Non, même pas ce soir. Pas ce soir. Pas de danse ce soir. Voilà. Et C'est ça. enfin. Ah, là tu entends du coup. J'avais oublié la dernière fois. Il est beau. Il est chauve. Il a aussi des lunettes. Il n'a pas la même barbe que Jésus. Je me demande d'applaudir le roi du SMR à Disneyland Paris. D'ailleurs, c'est l'objet de sa future vidéo. Olivier, bonjour Olivier, le moins noir! Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Je vois que t'as préparé le jingle là, c'est bien. J'attends toujours Laurent. Parce que Laurent. C'est bon, j'arrête le jingle. Parce que Laurent, en fait, j'ai un jingle pour lui, mais il est pas là. Ouais, mais je sais. Mais il a Donc, peur, c'est pour ça qu'il vient pas. Il sait que c'est t'as pour fait un ça qu'il vient jingle. pas. Oui, j'ai un jingle. Mais en plus, il est bien. Parce que du coup, j'ai rigolé quand j'ai dit à Julie, ah, oh, regarde, Julie, je vais mettre ce jingle-là. Elle fait, oh, ouais, c'est trop drôle. Ouais. Mais il est pas là. Donc, Laurent, Je sais que Loki, c'est pas ta tasse de thé ou de café, peu importe. Mais la prochaine fois que tu viens, t'auras droit à ton jingle. C'est voilà. Étonnant parce que ça, la saison 2, il n'y aurait plus, je suis sûr. C'est bizarre. Oui, après, tu sais, regarde, il y a des gens qui n'aiment pas forcément des personnages oui, de peut-être. Marvel et qui ne regardent pas forcément. Donc, du coup, donc voilà. Ça me trouble, il est en train de se tatiller, se rebrousser la barbe, Mika. C'est troublant. Voilà. Et Pauline aussi, elle se rebrousse la barbe. Voilà. Bon, alors, débrief final, parce qu'on a fait une partie 1, maintenant une partie 2, débrief final sur Loki, la série de Disney+, comme je disais tout à l'heure, saison 2. Voilà, saison 2. Du coup, j'ai essayé de faire autrement, ce que je vous ai dit en off, et pour vous dire, d'habitude, je fais épisode par épisode. Et en fait, là, je me suis dit que ça serait peut-être plus intéressant, puisque c'est 100% spoil, donc ça sert à rien de reprendre épisode par épisode. Mais j'ai fait des thématiques. Voilà, des thématiques, et donc du coup, on va faire des petits thèmes, on va en parler, discuter, et puis, il n'y a pas tant que ça non plus. Et après, on va parler de l'avenir de Loki dans le MCU ou dans le multivers, du coup. Bon, voilà, on peut le dire même. Voilà. Alors, première thématique que j'ai pu trouver, d'ailleurs, 3, 4, 5, 6, dans les épisodes 3, 4, 5, 6. Tiens, Olivier, tu as commencé. Est-ce que tu as trouvé que le rythme du 3, 4, 5, 6 était aussi soutenu que de l'épisode 1, 2 ? Ou est-ce que oui. Tu as trouvé un peu plus long ? Oui, moi j'ai trouvé que c'était la saison Marvel parfaite. Il n'y avait pas de ventre mou. Tu sais, t'as toujours dans les séries un épisode où bon, il ne se passe pas grand-chose, un épisode bouche-trou. Et là, j'ai pas trouvé... Je les ai trouvés tous avec un bon rythme. Enfin, ils étaient tous parfaits, quoi. C'était un sans faute pour moi. Un sans faute. Pauline. Alors, moi, je suis d'accord. Mais je trouve que ça y allait aussi crescendo. Plus on avançait, plus c'était de mieux en mieux, quoi. Je trouve que vraiment, c'était une super saison. Vraiment, ils ont tapé fort. Et elle était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et toi, Mika, la même chose ? Bah pareil, ouais, un peu comme Pauline, je trouve que c'est vraiment monté crescendo. Dès le départ, c'était super bien et j'ai trouvé que ça a super bien avancé tout au long, assez surprenant même, je dirais, sur la fin. Alors, justement, vous disiez que c'était monté crescendo. Alors, moi, je suis d'accord aussi, hein, c'est pour ça que je ne parle pas là-dessus, mais comment. Est-ce que vous n'avez pas trouvé qu'il y avait quand même quelques raccourcis scénaristiques ? Je ne sais pas si on a eu quelques-uns, moi, je dirais, ils auraient peut-être pu aller plus loin avec ça. Je peux vous donner un exemple pour vous aider, notamment l'utilisation de X5. C'est qu'X5, ils vont le chercher, bon, il dit où est Ramona, tu vois, la façon aussi, quand ils ont capturé le... Oh, je ne sais plus comment s'appelle la juge, là. Renslayer, c'est Renslayer, avec ses soldats, et la façon... Oui, ils ont pris des raccourcis, oui, pour... Voilà. C'est donne un rythme soutenu, donc c'est pas plus mal, hein, je trouve. Oui. Mais bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ça évite justement de faire des épisodes lents ou... Oui, c'est ça. Je pense que ça aurait été trop long s'ils avaient, s'ils avaient mis tout ça. Et on aurait peut-être perdu un peu le côté qu'on a retrouvé justement là dans cette saison 2. Ils ont peut-être raccourci parce qu'ils savaient que ça n'allait pas forcément permettre de garder le rythme qu'ils souhaitaient avoir. Je pense aussi, oui. Voilà. Donc on est tous d'accord de dire que c'est monté crescendo. Même d'ailleurs, je trouve que les deux derniers épisodes vont tellement vite et tellement agréable à regarder que t'es un peu déçu d'attendre la semaine d'après, surtout pour le dernier. Voilà. Je voudrais qu'on parle de Victor Timely, qui est pour moi vraiment. Il y avait Obi qui était le coup de cœur de tout le monde. Donc je suppose que Obi est toujours votre coup de cœur. Ça c'est. Oui. On en parlera tout à l'heure. On a découvert un nouveau personnage qui est Victor Timely. Voilà, qui est idolâtré par Obi, d'ailleurs. D'ailleurs, Obi dit qu'il s'est inspiré, je crois, des inventions, des travaux de Victor Timely. Victor Timely, je lui dis, mais non, en fait, moi, je suis inspiré de tes travaux à toi. Voilà, c'est assez drôle. Je veux savoir ce que vous avez pensé, justement, de ce Kang, variant de Kang, on va dire, ou du variant plutôt de celui qui demeure. Voilà. Mika, t'en as pensé quoi de ce variant qui est Victor Timely? Alors moi perso, j'ai trouvé autant sympa l'idée qu'ils aient posée du fait que justement chacun s'est un peu inspiré des travaux de l'autre et ce qui crée un Ouroboros du coup, un serpent qui se mord la queue. Mais après j'ai pas été ultra fan du perso en lui-même en tant que variant quoi. Je le trouve un peu chiant en fait arrivé à un moment donné. Autant j'aimais bien son apparition. où il était un peu farfelu, il avait plein de petites inventions par-ci par-là, autant après je trouve qu'il sert plus vraiment à grand-chose si ce n'est de dire il fallait qu'il soit là pour faire avancer l'histoire, pour ouvrir le portail et compagnie, mais sinon c'est pas un perso que je garderai en mémoire au final. Et toi, Olivier ? Problème de micro. Oui, moi, non, j'ai bien aimé le personnage, mais sans plus, ouais, j'ai pas... J'ai plutôt cette impression-là, enfin, je sais pas si vous avez eu, mais au début, je croyais qu'il allait avoir une certaine importance, et au final, avec le recul, je me dis, en fait, il a juste servi à ouvrir des portes. Oui, oui, non, mais c'est il fait partie des raccourcis scénaristiques. Voilà. Merci de l'avoir dit, Olivier. T'as vu, un peu, je suis. Hein. On va parler d'un. Donc, Victor, t'as vu, effectivement, en fait, j'ai cru que moi, au début, qu'il avait une certaine importance. C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, je me dis, mais en fait, à quoi il sert? En fait, du coup, juste à ouvrir les portes. Voilà. Et à servir de cobaye, on va dire. Voilà. Il finit aussi en ficello. Comme. Oui, bah, c'est comme dans Doctor Strange 2, où il finit en ficello. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Voilà. L'épisode 3, notamment, a été marqué par le retour de... Oh, je dis Ravonna, mais c'est pas son nom, Ravonna. Qu'est-ce que je raconte ? C'est Renslayer ? Non, non, je sais plus. Si, c'est elle. Avec Miss Minute, aidez-moi. Putain. Ouais, c'est Renslayer. Renslayer, voilà. Le juge Renslayer, donc le retour du juge Renslayer avec Miss Minute, qu'on avait perdu de vue quand même depuis un moment déjà, dans Loki depuis la saison 1. Donc le grand retour de Renslayer et de Miss Minute. Et justement, je vais vous poser la question, est-ce qu'on peut réellement dire qu'elles étaient les méchantes de la saison 2? Parce que moi, j'ai pas eu cette impression-là que, dans cette série-là, il y a eu un méchant. Pauline? Non, il n'y a pas... Moi, non, je pense pas. On n'était pas sur un... On va dire un scénario où on était confronté, ouais, directement à un méchant comparé à la saison... On va dire, je ne vais pas dire comparé à la saison 1 parce qu'il y avait, c'était pas non plus le centre, mais je veux dire à la fin, ils se confondent quand même à je ne sais pas comment ils l'appellent en français, celui qui demeure. Celui qui demeure. Et c'est vrai que je trouve que oui, on n'avait pas réellement de méchant. Maintenant, je trouve qu'on a découvert un côté de Miss Minute, mais horrible. Horrible. Moi, j'étais choquée. Qu'est-ce qui faisait flipper, Olivier ? Dans l'épisode 4. Ouais, l'équipe ouais, 4, 4 ouais. Là où elle est, bah, elle était inquiétante, elle était, moi me faisait flipper, ouais, elle était inquiétante. Qu'est-ce qui te faisait flipper, Olivier ? Bah quand elle devenait agressive, tu vois. Quand tu voyais qu'elle était amoureuse. Ouais, t'es amoureuse de celui qui demeure et qui dit trouve-moi un corps, voilà. C'est ça ? Ouais, c'était bien fait. C'était flippant, hein. Trouve-moi un corps que je puisse intégrer dedans, parce que c'était son désir. En fait, du coup, elle a l'impression qu'elle était amoureuse de Kong, enfin de celui qui demeure au final. Par contre, on avait quand même l'impression que ça allait être ces deux personnages qui allaient être les méchants à un moment donné. Ouais. C'est vrai. Et après, elles ont un peu disparu du. Bon, surtout comment ils finissent, quoi. Miss Minute, elle est débranchée et puis, et puis l'autre. C'est un peu facile. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, je crois que c'était. Comment on fait pour l'enlever ? Bah, faut la débrancher, mais le problème, c'est qu'ils pourront. Les magiciens pourront. Les mages pourront utiliser leur pouvoir. Du coup, t'avais Loki et Sylvie. Allez, déconnectez-le, dévêchez-vous. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette impression-là de dire que c'est vraiment les méchants. Il n'y a pas tellement de méchants, au final, quand on regarde. Non, parce qu'ils se battent avec le cœur, là. C'est quoi, c'est le cœur temporel ? C'est ça. Ouais. Oui. Et je pensais plus à leur réel souci. Là-dessus, ça tourne autour de ça, quoi. Essentiellement là-dessus, même. Ouais. Mais Miss Minute, quand tu dis qu'elle fait peur, moi, elle m'a fait penser, c'est un peu à Ultron. Tu sais, qu'il cherchait un corps, un machin... Ouais, c'est vrai. Quand tu regardes, tu fais un parallèle. Ça faisait penser à Ultron, parce que tu dis, elle cherche un corps, absolument, etc. Mais bon, pareil, il y a aussi un raccourci scénaristique, quoi. Il capture Victor Timely, et puis t'as Loki et Sylvie qui arrivent en 2-2 pour le récupérer, quoi. T'en as quand même quelques-uns. Quand même. Autre thématique, justement, en parlant de Sylvie, d'ailleurs. Mika, j'ai une question. Est-ce que tu trouves que Sylvie. Alors, ça va être un peu visé, enfin, ça va être un peu... Est-ce que vraiment, Sylvie, pour toi, elle a servi à quelque chose dans la série ? Alors, c'est vrai que je vise un petit peu... Est-ce que tu as trouvé qu'elle a réellement servi à cette série ? Parce qu'au final, au tout début, il faut absolument la récupérer pour qu'il les aide, mais au bout du compte, ma question est-ce qu'elle a servi à grand-chose ou pas ? Alors, moi, je te dirais que sur la saison 2, non. Non, elle sert pas à grand-chose. Ça va paraître plus ou moins le love interest de Loki... sur le départ, quoi. Je trouve qu'elle amène rien en fait. Elle l'aide pas déjà, quasiment pas. Au final, je trouve qu'elle sert à rien. Le perso serait pas là, ça changerait pas grand chose à l'histoire. Surtout quand elle redébarque pour dire non mais je suis venu et compagnie. Bah, Elle c'est sert bien, juste t'es pour là. faire, ouais. Et... Elle sert juste pour faire le lien avec les flashbacks avec Kang, je pense. Un peu. Ouais, parce que sinon, à part Ouais, le moment où tu vois qu'il l'affronte, elle sert à rien, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, pas forcément, parce que quand tu regardes que Loki il se rend compte qu'il faut peut-être qu'il la tue, tu sais, il revient dans le temps avec son errance temporelle, et puis. Bah, elle sert à faire la promo McDonald's aussi, surtout. C'est vrai. Tu dis, c'est une dieu, et puis elle travaille McDo. C'est bien. Mais c'est que vous avez fait la Ouais. sauce de luxe, McDo. Ouais. Ça aussi, tu vois, j'ai trouvé ça ridicule, le fait que ce soit des dieux, qu'elle aurait pu reprendre une place de dieu, montrer qui elle était. Au final, elle utilise quasiment pas ses pouvoirs de toute la saison. Enfin, elle sert vraiment à rien. En soi, En plus, elle je avait sais une coupe pas. cheveux de merde. Parce que je sais pas si vous avez vu, elle avait une meilleure coupe de cheveux dans la saison. Ouais. Ouais, elle a une Ouais, mais. espèce de. Comment ils appellent ça, de nuque longue, là, de. Mais par contre, dans la saison 1, je n'aimais pas du tout ce personnage. Parce qu'elle m'était antipathique au possible. Ouais. Alors que là, non, elle est plus sympathique, en fait. Et... Ouais. Ouais, enfin, moi j'ai trouvé que c'était visé, mais je trouvais qu'elle servait un peu trop à rien en fait. Non, c'est clair. Qu'elle soit là ou pas, il pouvait très bien remonter dans le temps. Bah, ça Et aurait été un faire. peu bizarre qu'elle n'y soit pas du tout, Oui, je pensais surtout mais ça. ça aurait été trop bizarre en fait. C'est Mais ça. D'accord. et à la fin de la saison, j'ai l'impression, c'est l'impression que j'ai, mais elle travaille pour le TVA, peut-être à moitié quand tu regardes. Non? Est-ce qu'elle a prévu de travailler avec le TVA? Non? On la voit pas avec le TVA, elle a peut-être retourné chez c'est elle, je sais. l'impression que ça laisse, ouais, qu'elle bosse pour le TVA et qu'elle remplace peut-être un peu Loki, elle prend un peu sa place, quoi, mais Ouais, c'est ça qui est bizarre. Ce sera Ah. peut-être elle qui fera la saison 3. Il n'y a pas de saison Non. 3 de prévu, je crois pas. J'ai pas Non, vu je pense saison. même pas Non, je pense qu'il y en a, je pense pas. ils ont pas dit qu'ils n'en feraient pas Oh non non. plus. Hein. Et vu Oui, ils ont pas dit qu'ils en feraient une. que ça cartonne, j'ai un doute. Mais je On en pense que tu parlera auras tout à peut-être l'heure. une série sur le TVA, mais pas une série sur Loki. Non, non, pas sur Loki, non, non, je Oh bah pense non, pas, lui, c'est non. sûr que Sur le TVA, c'est pas impossible. Ah oui. Ah oui, là-dessus, t'as raison. Ouais. Oui, là-dessus, t'as raison. Ah bah Serait chouette oui. avec Obi en personnage principal. Non, ça peut être sympa, hein. Une série sur le Bah, hein, tu TVA, vois, ça peut être très à la sympa. limite, Obi, moi, je voudrais pas trop en avoir tout le temps, tu vois. Ou Ah, sur la création du TVA, ça peut être sympa, une série. oui, c'est ça. Après, quand tu regardes, bah non, enfin, quand tu regardes la saison 2, on l'appelle Loki, parce que ouais, vraiment Loki, mais quand tu regardes la saison 1, on pourrait l'appeler TVA. Hein. Parce que la Oui, saison c'est 1, vrai. c'est pas forcément centré sur Loki en tant que tel. C'est Tu vrai. comprends les mécanismes et tout. C'est vrai que là, la saison 2, je l'ai trouvé vraiment centré sur Loki. Hein. Ouais, vraiment. Vraiment. Par rapport à la saison 1, je sais pas Bah, vous. il n'y a pratiquement pas une seconde où tu le vois pas à l'écran. Oui, ouais. C'est il est pratiquement constamment à l'écran. Oui, mais Ouais. t'as, je trouve que tu as plus. Tu perçois plus ses émotions et ses ressentis, notamment au moment où il explique qu'il veut pas finir tout seul, qu'il veut retrouver ses amis. Tu sens en fait que dans son passé, il a vécu triste, enfin seul quoi. Seul. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans la saison 1 où ils lui font repasser de manière permanente l'épisode où il avait coupé les cheveux de. Oh! Merci. De Sif, ouais. Et en plus, et ça, je savais pas, mais apparemment, ça, c'est vrai, c'est vraiment dans la mythologie, ça, en plus, pareil. Et où il revit ce moment-là en continu, comme quoi il avait fait mal à Sif, etc., en faisant ça. Ouais. Là, on était vraiment dans ses émotions. C'était assez intense. Alors que dans la saison 1, tu voyais à peu près qui était Mobius, à quoi servait le TVA, il y avait la recherche de celui qui demeure, etc. C'était pas forcément centré sur lui, puis sur le TVA. Bref. Mais c'est vrai que là, c'était plutôt appréciable que ce soit beaucoup plus centré sur Loki. Je dirais surtout que la saison 1, t'as montré un Loki qui voulait détruire le TVA et t'arrives sur une saison 2 où t'as un Loki qui veut sauver le TVA. T'as Ouais. vraiment un opposé entre les deux saisons pour ça. Elles sont Et très différentes. enfin, la raison qu'il veut sauver le TVA, je t'avouerai que si je te pose une question, C'est je plus suis ses sûr. amis en fait. Ouais, parce qu'en fait, Oui. si je te pose une question là, je suis sûr qu'il va pas pouvoir y répondre. Pourquoi le TVA a été créé? Vas-y, essaye de me répondre. Pourquoi le TVA a été créé? Parce que, à la base, Loki, normalement, s'il se bat et qu'il se considère comme agent de TVA, il doit savoir pourquoi le TVA est là. À quoi il sert, machin. Pourquoi il est créé, pourquoi, à quoi on, il sert. On le sait plus ou moins dans la saison 1, c'est pour contrôler le temps, etc. Oui, mais pourquoi? Pour les événements qui se pourquoi passent. Pourquoi? Bah, à l'origine, c'est pour celui qui demeure, pour pas avoir ses... Donc un intérêt privé, alors, pas forcément... Ah oui, pour à l'origine, oui. Il maintient la timeline qui convient le mieux et où il évite d'avoir des variants, lui. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la saison 1, le TVA évitait les branches. Parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'un Kang allait arriver, je crois, à mon souvenir, c'était ça. Oui, si je ne trompe pas. Ça. Et du coup, ils éradiaient une branche pour éviter qu'un Kang arrive. Je crois oui, que c'est ça, à mon souvenir. Sauf que si vous regardez à la fin, quand il meurt, il dit que du coup, il y en a plein comme lui qui vont arriver et que c'est tout ce qu'il voulait éviter, c'est ce qu'il évitait depuis le début, quoi. Oui, et si tu regardes à la fin, il laisse pousser les branches, entre guillemets, et en fait, ils essayent de maintenir un certain équilibre, en fait, dans le multivers. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Parce que quand le but du TVA de base, quand tu regardes la saison 1, dès qu'il y avait une branche, boum, ils arrivaient, ils enlevaient l'anomalie, la branche disparaît. Et là, à la fin de la saison 2, j'ai plus l'impression qu'ils coupent des branches. J'ai l'impression que les branches, elles continuent à se développer. C'est juste qu'ils font gaffe à ce que le multivers trouve un équilibre et qu'elles ne s'entrechoquent pas entre elles. J'avais pas cette impression-là dans la saison 1. Je suis peut-être trop loin, là. Non. Non, mais je suis d'accord. Possible, oui. Moi, la saison 1 ne m'a pas marqué plus que ça. Je l'avais pas vraiment apprécié, la saison 1. Je m'étais pas mal ennuyé. C'est pour ça que je suis tiraillé, parce que je ne sais pas quoi sert le TV au final. Voilà. Parce qu'avec Loki, il semble que... Enfin, on ne sait même pas s'il donne des ordres comme celui qui demeure et tout. On ne sait pas encore. Ça serait bien de savoir. Peut-être plus tard. Mm-hmm. Je pense qu'il remplace le cœur temporel pour maintenir les... Il donne son énergie afin que le multivers vive. Que ça fonctionne, oui. Exactement. Ouais. Sinon, tout imploserait. Je pense qu'il sert plus qu'à ça. De toute façon, il devient... C'est infusible, littéralement, en fait. C'est infusible. C'est infusible. Le fusible, voilà. À la fin, il est juste l'arbre monde. Il est Yggdrasil. Yggdrasil, ouais. C'est ça. Avec les racines. D'ailleurs, c'est magnifique, l'image. Je sais pas si vous vous souvenez, tout vert. Ah ouais. D'ailleurs, ça faisait penser quand tu parles de branches, etc. Tu avais un arbre, tu dis, ah bah, il y a les branches, l'arbre et tout. Enfin, je trouvais ça vachement bien imagé. Nous allons parler de Mobius. Alors, est-ce que vous avez été toujours aussi friand du duo Mobius et Loki, Olivier? Oui, moi, j'adore ce duo et l'acteur est exceptionnel. C'est un de mes acteurs favoris. Ben Wilson. Oui, il est extra. Et le duo fonctionne parfait. Il était déjà émouvant dans la saison 1 et là, il est encore plus dans la saison 2. Et j'ai aimé toute la partie où on voit sa vie d'avant, en fait. Ah oui, du coup, c'est pourquoi il aime le duo. Oui, c'est. Et l'acteur est vraiment exceptionnel. Donc, et le duo fonctionne très, très bien, je trouve. Tu penses à la même chose, Pauline? Ouais, je trouve que comme Olivier, je suis d'accord avec lui, je trouve qu'ils avaient déjà un lien assez particulier dans la saison 1, et là, il s'est encore plus renforcé, donc ce qui rend encore le duo encore plus intéressant et plus attachant, je trouve. C'est vrai. Et toi, Mika? Bah, je trouve qu'il y a une super alchimie entre les deux, deux persos. Clair, à l'écran, ça rend super bien, quoi. T'as une vraie impression d'amitié profonde entre les deux, et... vraiment, c'est t'as une scène qui même que je trouve vraiment déchirante quand justement il revient dans le temps et qui va lui parler à ses tout débuts quand il est revenu et que l'autre lui explique pourquoi est-ce qu'ils doivent pas hésiter, pourquoi est-ce qu'il faut faire ce qui doit être fait. Cette scène, je la trouve vraiment déchirante comme il le remercie juste avant de d'évincer cette timeline finalement aussi. J'ai trouvé ça vraiment beau, quoi. Et moi, cet acteur, enfin, déjà que j'aime beaucoup cet acteur aussi, et je trouve qu'il a vraiment un super bon rôle, quoi, dans cette série. Rumeur court qu'on le verra dans Deadpool 3. La rumeur, je dis bien. Apparemment, on voit beaucoup de monde dans Deadpool 3, hein, franchement. Il y a une rumeur par jour. Ah, il paraît que. Ça va être les Avengers, en fait. c'est ça. Oh, Iron Man, on va voir plein de monde. Ouais. Attends, on va voir Hugh Jackman quand même. Ça, c'est bien. Ah bah ça, c'est sûr et certain, c'est confirmé. Ouais, ça, je dis, s'ils osent aller jusqu'au bout, on verra Mephisto. Ouais. Ah. Bah, c'est pas impossible, puisque Loki, dans les comics, quand il dit un dieu d'histoire, je crois que ça part de Mephisto, quand il combat Mephisto, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, je te dis surtout ça parce que ça fait tellement d'années qu'à chaque nouveau film, tu te dis il y aura Mephisto. Ouais. Ils vont peut-être le foutre là-dedans comme blague, connaissant Deadpool, tu vois, le style. Peut-être. Bah déjà, il y a un chien. J'ai vu la photo du chien. J'ai vu Dogpool. Bah, c'est Dogpool. Ouais, N'importe quoi. Dogpool. T'as pas vu la photo Non, de Dogpool? Non, il j'avais est pas tout vu, non, non. aussi Bah, horrible regarde, que tu dans tapes Comics. Dogpool sur Google. Il a fait une petite Mais photo c'est de Dogpool. confirmé ou c'est un Bah oui, fake? c'est. C'est officiel, oui, c'est Dogpool. Ouais. C'est un vrai chien, c'est pas un chien en image de synthèse. C'est un vrai chien. J'espère vraiment qu'il y aura Deadpool aussi. Oui. Sa femme aussi, il va faire. Parce qu'en fait, il y a des comics, en fait, t'as toute sa famille. Enfin, ils ont fait Tu plein de. tapes Les Dogpool variants, en dans. fait, c'est tous les variants de Deadpool. Ouais. Tu tapes Dogpool sur Google, image, t'as des chiens dans des piscines. En même temps, J'ai que c'est. ça comme image, hein. Alors faut que je D'accord. précise. Tape Marvel, je pense. Dogpool à Marvel, voilà, dans ce cas-là. Ah C'est vrai que ouais. Dogpool, quand tu dis en anglais, ça fait. Chien Oui, piscine. Ouais. voilà, chien piscine. Ouais, j'ai pas le visuel du film, mais j'ai le visuel des comics, ouais. Ah non, t'as pas, ils ont pourtant fait un visuel. Bah, faut peut-être que je fasse défiler. Ouais, essaye de faire des films. Mais ils ont sorti un visuel, en tout cas. Moi, il est moche, le chien. Ah oui, avec la langue qui pend là. Ouais, là, c'est ça. Ouais, j'ai vu. Il est pas beau. Il est vraiment pas beau. Ouais, il se doit, hein. Et Moche tout dire bas. qu'il va sortir en peluche. Oui. Il va ça. Ah bah À c'est sûr. Disneyland Paris. Et. Bon, bref. Je sais pas aussi si vous avez vu, mais Mobius, donc on voit à quel point il aime les jet skis. On comprend qu'en fait, il en fait pas. Enfin, il en fait, mais il en vend surtout. Et. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a pu sentir quand même dans Loki qui voulait absolument ramener ses amis un certain égoïsme à les voir revenir de leur vie passée. Je sais pas, parce qu'il disait j'ai besoin d'amis, donc il dit cela, j'ai besoin de les retrouver. Donc, et c'est là où Sylvie était intéressante en lui disant oui, mais si tu le fais, tu les ramènes, eh bien comment tu leur laisseras pas le choix en fait d'apprécier la vie passée qu'ils avaient. Vous avez compris l'idée. Voilà. Donc ma question est la suivante, c'est que est-ce que pour vous, Mobius aurait renié sa vie passée et resté au TVA, ou est-ce qu'il aurait voulu totalement arrêter le TVA et revenir à sa vie passée? Parce qu'il a l'air quand même extrêmement proche de ses enfants, Olivier. Oui, c'est effectivement, je suis posé cette question et c'est pas clair justement. On n'arrive pas à discerner parce qu'effectivement, on voit que on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y va parce qu'on sent que il est vraiment peiné de laisser ses enfants, mais il y va quand même. Donc, Oui, il y va. ouais, c'est un peu surprenant. Et toi, Enfin, Mika? Oui. c'est un peu un raccourci encore, je pense. C'est heuristique. Ben non, mais c'est ça, au lieu d'avoir. Ils vont vraiment très très vite, ils perdent pas de temps au lieu de développer les choses. C'est vrai qu'on laisse pas trop le temps de montrer la Ouais. raison qu'il pourrait avoir d'y aller. Tu as presque l'impression qu'en fait, il a aussi pas vraiment de vie à Ouais. côté de ça et que ça lui. De vivre une aventure, il a envie, tu vois, qu'il est assez tiraillé. Et le fait que Loki, en plus, tu dises non, mais tes enfants, ils sont aussi en danger, si tu y vas pas, il le pousse un Ouais, peu, quoi. c'est ça, ouais. De toute façon, regarde, je te prouve que je peux te ramener vraiment juste avant, juste maintenant, au même moment, quoi. Donc au final, ça change rien pour tes gosses, ils verront pas la différence. Et ouais, t'as l'impression qu'il a juste envie de vivre quelque chose. L'autre qui a, à part son boulot, qui a l'air d'être un boulot minable en plus, où il a l'air Non de même mais, pas arriver à ses jet skis, quoi. ouais, c'est ça. t'as raison, c'est plus le danger en fait qui est la fin de l'humanité. Donc ils se sentent obligés d'y aller. De toute façon, c'est ça où ils perdent tout, je De toute pense. façon, après, il a une vie minable en soi, hein, t'as l'impression aussi. Hein. Divorcé, ses gosses qui l'écoutent pas, qui en ont rien à foutre. Un gamin qui est pyromane, c'est pas à l'abri. Oui, mais au final, il choisit le TVA parce que à la fin, Bah, il est au TVA. si tu crois ce que dit Loki, finalement, t'as pas le choix que d'y aller, finalement. Après, bon, il le croit un peu trop facilement, je trouve, mais bon, après. Vous avez vu ce qu'il dit à la fin, Mobius? Il est en train d'enquêter sur quelque chose en particulier. Je sais pas. C'est une référence à. T'as pas fait gaffe? Non, comme ça, non, peut-être, mais Tout à non, la ça fin, m'a. c'est quand ils viennent le voir, à la fin, il ouvre un dossier, il fait, ah, je suis sur ce dossier-là. Oui, j'ai pas fait gaffe. Oui, je vois cette scène, mais ouais. Partir. Qu'est-ce qu'il y a, Mika? Oui, tu le vois effectivement, il est sur un dossier qui l'ouvre, il a l'air de faire une tête un peu bizarre de souvenir. Oui. Et juste après il n'est pas ça, serein. c'est. Il n'est pas serein. T'as pas capté qu'il C'est là parlait qu'il. de. Vas-y. Ouais, mais juste après ça, c'est là qu'il dit qu'il quitte le TVA, quoi. Donc. Il parlait de Kang, je crois, de si je me trompe pas, il parlait de Kang du film Quantumania. Il dit qu'il Alors, est sur c'est le dossier. ouais, tout ce que j'ai J'ai vu, surtout que re-regardé c'est. l'épisode 6 et j'ai vu que Mobius, à la fin, il dit oh, je suis en train de traiter un dossier, et puis il en parle, mais en 2 secondes. Et en fait, c'est le Kang de Quantumania. J'ai l'impression. C'est l'impression que j'ai eu. Bah, de Enfin, toute il façon, faudrait que vous regardiez. après tout ce qu'il dit, surtout, c'est que voilà, ils vont partir à la chasse au Kang. Oui, de toute façon, ils vont faire que ça, je pense. Bah oui, mais bon, vu que Disney est quand même dans l'optique d'éventuellement changer de méchant à cause de l'acteur, ou de le recast, ou de le taige, et de passer à un autre méchant, c'est con, parce Je qu'ils pense pas, pourraient. Hein. ils sont allés trop loin là. C'est... Bah pas Ouais. vraiment, ils Au pourraient pire, ils vont s'arrêter là, ils recaster. pourraient en parler, quoi. Hein. Ouais, Ils mais pourraient te attends. dire, c'est bon, Bah, le tu sais, TVA a réglé le problème, et puis fin, quoi. bon, ouais, je sais pas. Oui, pourrait, oui. Bon. En tout cas, Mobius était toujours aussi, comme vous dites, sympa à regarder. Et Oui, Obi. franchement. On n'a pas parlé de Obi alors, Pauline, ton chouchou, Obi. Bah, pas dessus, hein. Tu aimes toujours Jusqu'au autant? bout. Jusqu'au Toujours, bout. jusqu'au bout. T'as apprécié ce qu'ils ont Jusqu'au fait de bout. lui ou pas? Parce qu'on l'a découvert dans le 1-2, puis après on le voit dans le 3-4-5-6. Mais est-ce que t'as bien aimé l'usage qu'en a fait Disney enfin, du moins les scénaristes dans cette série? Ouais, moi je sais bien parce que je trouve qu'il a pris de plus en plus de place dans les épisodes et de plus en plus d'importance. Et c'est bien, comme on a dit, il apporte une nouvelle dynamique, il a apporté un côté qu'on n'avait pas dans la saison 1. Donc, non, moi jusqu'au bout, fan. Je De trouve l'humour ça aussi. vraiment top. Oui. T'as bien aimé le Hobby qu'il a retrouvé? Parce qu'en fait, pour ceux qui ont vu, si vous vous rappelez, c'est qu'en fait, il a. On en parlera tout à l'heure, mais Loki doit gérer son errance temporelle et il va voir justement ses amis dans leur univers où ils sont et en fait, ils ne leur connaissent pas parce qu'ils sont revenus à l'époque où ils n'étaient pas encore au TVA. Et est-ce que t'as bien aimé ce qui était Hobby, en fait, réellement avant le TVA? Ouais, franchement, c'était, je trouve que ce petit côté romancier là, mais toujours scientifique, voilà, il est toujours attaché à la science. Et puis, c'est drôle, surtout la scène quand il débarque avec capteur temporel. Oui, c'est ça, Et où quand il le crée, et après tu découvres qu'en fait il a mis 18 mois, je crois, à le ouais. faire. Ouais, il a Enfin. dit 15, j'ai mis 15 mois, mais bon, j'ai déménagé, donc 18. Donc il a rajouté 2 mois, ouais. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, je sais pas si tu te souviens, c'est que il va dans une librairie et puis donne un bouquin et la code Oui. barre fonctionne pas. Et du coup, tu découvres qu'il a écrit un roman de science-fiction qui se vend pas. Et du coup, la dame a dit, ah, oh, mais arrêtez de le mettre dans ma boutique, votre bouquin. Et je crois qu'à un moment, il lui donne le manuel du TVA, il dit, bah, c'est votre livre. Et vous l'avez écrit, et c'est un manuel indispensable au TVA. Il fait, ah, j'ai fait un bouquin qui marche, en fait. Ouais, en gros, il lui dit, y en a un sur chaque bureau du TVA. Il fait, ah, j'ai quand même réussi à vendre un best-seller. Voilà. En fait, il est aussi drôle dans le TVA comme en fait, il a gardé cette personnalité-là. Donc, c'est Égal à vraiment. lui-même. Et en plus, surtout que l'acteur, il le joue bien, quoi. Ah, complètement. T'as envie de le revoir, toi, Obi? Ou pas? À qui, moi? Toi, oui, toi. Ah oui, pardon. Oui, ah oui, clairement. Je pense que on a encore des choses à découvrir sur lui et je pense qu'il peut apporter beaucoup. Je pense qu'il peut vraiment apporter beaucoup à au MCU, je pense. Ouais, surtout son côté Ouais. scientifique et tout, ça peut Mais être c'est beaucoup ça. aidé. Ah oui, complètement. Attention à toi, Benji, t'as un flairken derrière toi. Un flerken. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Bah, c'est la race de Goose. Ah, Goose, le chat de The Marvels. Ouais. Non, en fait, il est sur le canapé à gauche. Tu le vois pas. C'est un rouquin, On c'est l'a pas vu tout à lui. l'heure. C'est Il est Neko. passé derrière aussi, Il est juste passé, on l'a avant. vu tout à l'heure. Toi, j'en ai trois. Alors, du coup, j'ai. Voilà. Et me spoilez pas, j'ai pas encore vu The Marvels. Donc, Non, Pauline, non. Alors, non, spoiler. pas Peut-être. encore. Olivier l'a vu? Restez Non, bien pour la scène post-générique. je vais y aller ce week-end, je pense. De toute Ouais. façon, nous, on est des vrais, on part pas du cinéma tant que le générique de fin n'est pas terminé jusqu'au bout. J'ai vu un gars, il est rentré dans le cinéma, il n'y avait personne, il était tout seul. Regardez le film. Nous, on était quatre, et franchement, moi, j'ai vraiment adoré. Et la scène post-générique, putain, je me languis que vous l'ayez vu pour en parler. C'est vrai, ouais. Bah, de toute façon, je crois qu'on l'a prévu dans deux semaines, l'enregistrement pour The Marvels. Donc, faut se dépêcher, parce que vu que ça fait un beat colossal, ça va être retiré des salles. Hein. Ouais. C'est pas toi qui me disais qu'il y avait c'est un Expandable 4 qu'ils ont retiré. C'est toi qui me disais ça, Olivier, non? Oui, ils l'ont mis aux États-Unis en streaming direct pratiquement. Direct Et le dernier Marvel, c'est pire que je crois que dernier Ant-Man. Hein. C'est une catastrophe, personne n'y va. Pourtant que pour toute manière, c'est un gros échec actuel. Non mais personne n'y va, donc je sais pas. Mais c'est comme. Mais c'est vrai que quand tu voyais les bandes annonces, franchement, j'avais pas envie d'y aller, hein. Vraiment pas. Hein. Mais c'est comme la maison hantée, la Haunted Mansion, là. Ils l'ont enlevé. Enfin, moi, en tout cas, dans mon cinéma à côté de chez moi, je voulais le voir en rentrant de vacances. Et ça faisait même pas un mois et demi. Ils l'avaient déjà retiré. J'avais pas trop. Faut que je regarde. Faut que j'y aille. Oui, enfin. C'est toujours comme ça. T'as des films comme ça qui donnent pas envie d'y aller. En fait, t'y vas, ils sont super. Moi, je me souviens, c'était John Carter. Tu vois, il a pas l'air terrible et tout. Et en fait, il est vraiment bien. Génial, c'est un super film, moi j'aime bien. Moi. Ouais, mais c'était un flop. Un flop colossal, ouais. Ouais, pourtant, mais la bande-annonce était quand même bien. Le problème de John Carter, c'est qu'il n'avait fait aucune pub dessus, il n'y avait rien, ils n'en parlaient nulle part. Peut-être que c'était quand même le roman qui avait inspiré Star Wars, Dune, enfin, c'était. Oui, en plus, c'est vrai. En plus, c'est vieux comme roman, hein, ça. C'est très vieux. Donc, bref, et on va revenir quand même à nos moutons de pas dur, je crois qu'on dit. Mais il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est aussi, alors je ne comprends pas, cette passion pour les tartes. Parce qu'il voulait encore manger de la tarte, et Sylvie n'était pas d'accord. Voilà. Et je ne sais pas si on a vu une pièce où il y avait des tartes partout, et des micro-ondes. On a toujours cette idée de tarte. D'ailleurs, je vous ai envoyé sur TikTok, les copains, la recette de la tarte. Je ne sais pas si vous avez vu, non, peut-être pas. Je vous l'enverrai. Ils ont fait une recette de tarte Loki. Voilà. Donc. Et enfin, on va parler de notre copain préféré. Enfin, notre le héros, c'est Loki. Alors, avant de parler de Loki plus précisément, j'aimerais savoir votre avis. Olivier, est-ce que pour toi, le Loki d'aujourd'hui, que tu as vu dans cette série, est le même qu'avant ? Autrement dit, est-ce que tu te serais douté que Loki aurait eu, quand tu as regardé au début Avengers, Thor, etc. Est-ce que tu t'aurais peut-être douté qu'à l'époque on arriverait à un Loki comme ça? Non, bien sûr que non. Et c'est. Bah non, quand tu vois le premier Avenger, c'est un peu comme si Thanos devenait. S'il avait survécu, devenait gentil à la fin. Non, tu t'y attends pas forcément. Et si tu avais vu la saison 1 de What If, il est gentil. Hein, c'est vrai, Mika. Oui, mais dans What If, tu fais ce que tu veux. Oui, mais il est gentil. Dans What If, Chihulk, que ça peut être vachement bien. Enfin, ça peut être plein de trucs. Allez, allez. Il l'a fallu ce soir, sinon c'était pas drôle. Non, bien sûr que non, on s'y attend pas. Et d'ailleurs, je trouve ça un petit peu trop extrême. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça devient le sauveur de l'humanité, alors que auparavant, son but, c'était de détruire l'humanité, enfin l'humanité tout entière. Et puis d'un seul coup, là, il devient à l'extrême, trop gentil, je trouve. Mais bon, ça passe parce qu'on le connaît depuis 10 ans, à travers les écrans, et ça a été assez progressif. Et puis, et là, c'est quand même un peu étonnant, même par rapport à la saison 1, où il était encore très malicieux. Là, il est malicieux, mais que pour faire du positif. Donc, tu sais quel âge avait l'acteur quand il a fait la première fois à Thor, Loki? La trentaine, non, je crois. 29 ans. Ouais, c'est ça. 29. Il avait 29 ans quand il a commencé à interpréter Loki. Donc il a vieilli, le bougre. Quand tu regardes. Bah, en fait, c'est quoi, 14 ans, hein. Et il s'est bonifié avec le temps, en fait, Loki. C'est comme un bon vin, quoi. C'est clair. Rien à dire. Mais après, Loki, faut savoir, c'est que au départ, il l'avait montré comme un méchant. Mais dans les comics, il n'est pas forcément méchant. Il y a certains comics, justement, il est au contraire gentil. Donc, un Mika, si je ne me trompe pas, c'est ça. Notamment, le Loki d'aujourd'hui, le Loki qu'on a aujourd'hui, il représente pas mal de comics. Bah, comme dans la mythologie, en soi, il n'est pas méchant non plus. Non, il n'est pas méchant. Et même dans les films, je trouve que c'est pas vraiment toujours un méchant, quoi. Il est assez malicieux, il fait un peu les trucs comme lui, il a envie pour atteindre son but. Mais dans le fond des choses, il n'est pas si méchant que ça, quoi, malgré les saloperies qu'il a pu faire. Je trouve qu'il est. Il y a beaucoup de moments où tu le vois évoluer, jusque même dans la fin où il se fait tuer, dont je parle dans la timeline du MCU, quoi. Jusqu'au bout, il est devenu bon, il était vraiment avec son frère, prêt à l'aider, jusqu'à qu'il se fasse crever par Thanos. Mais Oh putain, elle est bien en plus. si, sinon, je trouve qu'il avait une belle évolution, et de lui avoir redonné une nouvelle chance et qu'il ait de nouveau évolué finalement vers le bien, comme quoi c'était sa destinée finalement, je pense, de ne pas être méchant, mais de se rendre compte de ses erreurs et d'évoluer vers le bien au fur et à mesure. Et je pense qu'aussi dans cette série-là, de l'avoir vu devenir bon, c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas Thor à côté de lui, avec qui il a une rivalité permanente. Là, il était lui-même et enfin lui-même avec ses amis à lui Avec et ses amis à lui et pas pas les amis de Thor. Et pas les amis de c'est Thor. ça. D'ailleurs, on apprend pourquoi il est méchant dans le premier Thor, justement, parce qu'il avait du mal à sou il souffrait de la comparaison avec son frère. Et il savait bien que c'était Ouais. un enfant adopté, donc. Et on voit aussi que ça reste un dieu parce que quand on Ah voit le oui. sacrifice, quand vous, enfin, avant de parler de ce qu'il devient, mais quand tu vois le sacrifice qu'il fait, il y Oh oui. va. Pas besoin de combinaison. Hein. Voilà. Clairement. Il y va dire, bon, après, il n'en a pas trop besoin, c'est un dieu. Faut pas oublier que, si vous vous souvenez, Thor, lui, il a survécu à une étoile quand même. Vous savez, quand ils ont fait son marteau. C'est pas son marteau, son. Ah! Sa hache, comment ça Ça s'appelle? oui, sa hache. Hache, Oui, voilà. je me rappelle plus son nom, mais oui. Hein? Stormbreaker, voilà. Quand ils ont fait cette. Stormbreaker, Il avait besoin. Il avait besoin de la lumière d'une étoile, je crois, pour le faire. Et puis, oui. du coup, il a survécu Ouais. quand même à ça. Hein. Donc, tu te dis, bon, voilà, c'est, tu Ouais, vois. c'est clair. Puis, Pense que Loki a survécu, c'est parce qu'il a son errance temporelle aussi, même si ce n'est jamais expliqué d'où ça vient. oui, c'est ça. C'est ça. Justement, j'allais en parler. Oui. D'où ça vient, ce truc-là? Je sais pas, ça vient. Est-ce qu'il l'avait toujours en lui? C'est la question que je me suis posée. Ben c'est Obi qui lui explique quoi faire. Ouais, Non, mais c'est. il a un défaut d'origine, il a une errance temporelle qui ne devrait pas exister, donc on ne dit pas d'où ça vient. Après, est-ce que c'est parce qu'il Facilité a été. scénaristique. Ta gueule, c'est magique. Tu C'est pourrais dire magique. qu'il a été proche de celui qui demeure, que ça a déconné parce que l'autre utilisait vraiment son truc sur lui et que il y a survécu, tu vois. Mais oui, ça, c'est complètement une facilité scénaristique parce que ce n'est jamais expliqué la Oui, raison c'est du ça, c'est pas pourquoi expliqué. lui a ça, quoi. Et justement, on va en parler là, mais vous avez pensé quoi du duo celui qui demeure et Loki? Moi, j'ai adoré ce moment où il contrôle donc son errance temporelle comment, à tel point où il arrive. Je sais pas si vous avez fait marrer, mais quand il dit ah, faut que tu apprennes la physique quantique et tout, l'ingénierie quantique aussi, faut combien de temps? Oh, une dizaine d'années, voire des siècles. Il faut être des siècles, Des putain. siècles plus Ouais. tard. Il maîtrise, hein. Je sais pas si il fait ça et tout. Enfin, je trouve ça super bien. En fait, il y a l'idée où on lui dit, en fait, ça a été, enfin, quand il demande à Obi qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que ça fonctionne, il a dit de s'en occuper plus tôt, plus vite, je crois, plus vite, je crois, plus vite. Et en fait, c'est plus tôt, donc il essaye de remonter à différents moments de leur rencontre, etc., pour essayer de trouver le. Je trouvais ça, ce moment, assez. Alors, je sais pas comment on l'avait trouvé, mais moi j'ai trouvé ça triste. Pas vous? Bah, il Le sait revoir qu'il va remonte. devoir. En fait, c'est dans la solitude où il est à faire ça. Il est seul, tu vois. Ouais. Il est seul, tu vois, dans l'idée où il est seul à le faire. J'ai toujours eu cette Ouais. impression-là où il disait à chaque fois, je veux faire revenir mes amis, je veux faire revenir mes amis. Ils étaient présents, tu vois, mais c'est pas pareil. J'avais toujours l'impression que pendant les épisodes qui se déroulaient, il était tout le temps seul. Ils étaient là, Mobius est là, les autres aussi, mais il était seul à vouloir connaître ce qui se passe, mais à vouloir régler les choses. Je sais pas. Comme s'il sentait un devoir de sauver ses amis, mais sans qu'ils en aient conscience. Enfin, je trouvais ça triste. Voilà. Bref. Oui, non, Peut-être. on sent qu'en Oui, fait, non, c'est vrai. qu'il a besoin d'amour et qu'il souffre d'une certaine solitude, oui, c'est vrai. Mais bon, j'ai cette question-là. Tu vois, tout ce passage-là, ça te montre aussi son côté de Dieu, tu vois, c'est son fardeau à porter, c'est le trône finalement qu'il a, cette solitude de ce il sauve le monde, il sauvera tout le monde, mais enfin à quel prix? Et justement, c'est sa solitude, son prix. Le fait qu'il se retrouve dans le temps comme ça à remonter systématiquement pour apprendre comment sauver tout et personne ne le suit finalement. Ils sont là sans. C'est même pas les mêmes films presque, ceux qu'ils rencontrent. Oui, mais tu vois, tu parles de solitude, toi. Encore une fois, c'est triste parce qu'il est devenu là. Je trouve ça triste parce qu'il a le trône qu'il a toujours voulu avoir. Parce qu'il a toujours voulu un trône. Il l'a eu. Il a des super pouvoirs. Mais au final, il est tout seul. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça, je trouve ça dur. C'est pour ça que la fin, je la trouve. Moi, j'ai été bouleversée. Hein. À la T'as fin, pleuré? Mais en fait. Elle a chouiné. Non, mais en fait, je t'explique. Pauline, l'épisode, c'était un. Oh, mais non, je pleure. Enfin, franchement, la dernière fois que j'ai pleuré, on va dire, pour une fin ou un truc dans le scénario, c'est Endgame. Bambi, comme dit les Gardiens de la Galaxie, ça tombe pas. Ça compte pas. Mais tu vois, quand j'ai regardé l'épisode, l'épisode s'est terminé. J'ai eu, je crois, 5 minutes pour que le tout remonte et tout est sorti. Je suis allée voir, j'ai parlé avec ma sœur qui n'avait pas encore vu. J'ai dit, écoute, faut que tu regardes. J'ai dit, moi, j'ai été bouleversée parce que d'un côté, je suis contente, d'un côté, je suis triste. Je suis vraiment partagée entre. Je sais pas, c'est vraiment une fin de série qui m'a. Ça m'a marquée. Et je pense que c'est une des fins de série qui va me marquer le plus de toutes celles du MCU, quoi. Mais c'est quand tu passes en même temps, elle est marquante de base quand tu vois comment c'est filmé. Oui. Ah oui. Il va dire, vas-y, j'y vais. Donc, il est seul. Vas-y, j'y vais. Donc, il fait traverser ce pont. Et il est seul. Et puis, tu sais, il y a son costume de dieu qui apparaît. Enfin, je sais pas si vous avez vu, c'est très théâtral. Ouais. Non, Mathieu? Très. Mathieu. Mika. Ouais. Je sais pas pourquoi je dis Mathieu. Mathieu. Tout ce passage, justement, où quand il discutait avec celui qui demeure, justement, qui lui dit. Tu voulais un trône, il y en a un, mais à quel prix? Le prix d'un trône, d'un vrai trône, c'est la solitude. Et c'est exactement ce qu'il a à la fin, quand il arrive, qu'il a toutes les branches en main, que le trône devient doré d'ailleurs, avant qu'il s'installe dessus, qui d'ailleurs était le trône de celui qui demeure, finalement, il est au même endroit. Et qui, en plus, on le voit tout à la fin, regarder dans les différentes branches du temps ce que deviennent ses amis. Et qu'on sent qu'il va les surveiller, mais ce qui m'a fait mal quand j'ai vu tout ça, c'est de se dire qu'il va être là, mais à tout jamais. Ouais, il fait penser c'est un ça, peu là. Comme. Comment il s'appelle? Le dieu Atlas, tu sais, de la mythologie grecque, qui portait. Oui, qui porte le ciel. Ouais, qui porte le. Porte la céleste sur son dos, oui. C'est ça, ouais. Ça fait penser à ça, tu sais, tu peux pas. C'est vraiment triste, c'est effectivement. T'sais. En plus, il peut pas très bien. J'ai pas vécu comme ça, moi. On sent qu'il a une comment l'as-tu vécu, Olivier? Qu'il a une certaine satisfaction. Ah ouais? Enfin, vas-y, tu vois sur son visage. C'est intéressant ce que tu dis, vas-y. Il a pas l'air triste, finalement. Il a l'air heureux de se sentir utile, enfin. J'ai plutôt. T'aider ses amis? Ouais, j'ai plutôt. Parce que quand tu regardes la scène, il a pas l'air abattu, il a pas l'air résigné, il le fait avec plaisir. Enfin, c'est sa volonté, quoi. Et je le vois un peu comme toi là-dessus, qu'il y allait. C'est vraiment de bon cœur qu'il y va. Ouais. Il sait son sacrifice, mais il sait qu'en faisant ça, ses amis vont vivre, vont pouvoir avoir leur vie et compagnie. Et qu'il n'y aura plus de problèmes dans les timelines, que ce sera enfin réglé, et que c'est sa place, et on sent qu'il se sent à sa place. Oui, c'est sa façon de se faire pardonner pour tout ce qu'il a fait. Moi, ce qui me fait du mal, c'est vraiment de savoir que c'est à tout jamais qu'il va y être, même si lui, il le sait que c'est ce moi, qu'il faut. Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y soit à tout jamais. Après, ils peuvent faire toujours tout ce qu'il veut. À un moment donné, il va falloir qu'il s'en aille de ce trône-là, parce que, au moins pour intervenir, parce que je vous rappelle qu'il y a un film qui s'appelle Kang Dynasty. Non, il y avait un film qui s'appelait Kang Dynasty. Bah, il est toujours. Il est toujours. Au moment. Oui, au moment. Je rejoue Olivier. Non, mais puis je les vois pas le revoir avec Thor encore une fois, c'est pas possible. Ouais, pour moi, ça sera ce Loki-là, en tout cas cette version-là. Comme je dis, il est devenu l'arbre-monde, le soutien de tous les du multiverse entier, et on ne reverra plus ce Loki-là. On le verra sous forme de variant peut-être, ou je sais pas. Il y aura peut-être un des variants, mais Moi je pense qu'on le reverra, mais je pense qu'on le reverra, mais dans un film et pas dans une série. Ou peut-être dans les What If. Tu peux le revoir avec le gardien. Avec Watu, le copain Watu. Tu pourrais le revoir avec, vu qu'après tout, c'est si le multiverse existe et se maintient, c'est un peu grâce à la petite graine Loki qui est au milieu de l'arbre. Mmh. Moi, je pense qu'on le reverra. Je pense qu'il va se lever de son trône à un moment donné. Parce que comme on a vu tout à l'heure, la TVA de base, c'était pour éviter que des variants de Kang qui se reproduisent. C'est pour ça qu'ils pétaient les branches. Maintenant, on sait qu'il y a un conseil des Kang. Et je crois que... Un conseil des Kang, ça fait bizarre. Oui. C'est comme ça que c'est appelé dans les comics. Ça s'appelle je sais. Mais, et en plus, je crois que, si je ne me trompe pas, dans la timeline du MCU, Loki saison 2, c'est avant Quantum Mania. Attends. Répète. Regarde sur Google. Ouais, mais il y a quitte le... Regarde. Donc je sais, parce que Quantum Mania, la scène post-générique, c'est justement Loki saison 2. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est ça. C'est là qu'on voit les conséquences de le vrai Kang, en fait. Parce qu'en fait, si le Kang, de celui qui demeure, pétait les branches pour éviter que d'autres Kang arrivent. Et d'ailleurs, si tu te souviens, il y a un moment donné, il y en a un qui lui dit... je crois que c'est Rensselaer qui a dit, est-ce qu'il y en a... Non, c'est peut-être B15. Qui dit est-ce qu'il n'y a pas un Kang qui a failli savoir qu'on existait? Il fait si, il y en a un sur Terre 616. Et c'était dans Quantum Mania. Il le dit à un moment. Qu'il y en a failli avoir un qui a réussi à savoir que le TVA existait. Et regarde l'épisode, je crois que c'est dans 6 ou 5, je ne sais plus. Et normalement, il n'y a pas de Kang. Et là, il y a plein de Kang dans le Conseil des Kang. Parce que je veux dire, ça s'appelle le Conseil des Kang, donc il y en a plein. Normalement, ils n'ont pas lieu d'exister si tu as le TVA de base de la saison 1. Donc, s'ils existent aujourd'hui. C'est après qu'ils aient détruit justement le. C'est à la fin quand ils ont tué celui qui demeure et que justement toute la timeline se divise et ne s'arrête plus. Ils sont tous apparus à ce moment-là. Puisque le temps est quand même. Ça ne démarre pas à partir de là. Les branches démarrent de bien avant dans le temps, de bien après. Donc c'est comme s'ils avaient toujours existé finalement, une fois que tu n'es plus sur la timeline principale. Je suis en train de juste regarder. Je regarde sur. C'est ça. C'est qu'apparemment, je dis bien, je ne confirme pas, mais Loki saison 2 commencerait avant Quantum Mania. Bah c'est possible ouais. Après hein. On l'aurait après effectivement tout. Après mais je regarde si la seconde saison se situe après le final le temps ne limite pas la série il semblerait que ce soit avant Quantum Mania. Alors, à prendre avec des pincettes. Je ne confirme pas. Ouais, il faut prendre tout avec des pincettes maintenant. Tout, ouais, c'est ça. Si tu dis que c'est pas vrai, tu vas te faire disputer. Voilà. Tu auras un hater qui va dire « Quoi ? C'est n'importe quoi ce que tu dis !» Donc, voilà. Bref. Bon, bref. Pour dire que, voilà. Je suis en train de regarder mes fiches. Oui. Alors justement, question, que va devenir Loki maintenant? Alors, saison 3, je ne pense pas. Et toi, Pauline? Saison 3? Non. Ah. Sur non. Et sur après, non. Non, ouais, moi je pense, enfin, mais pas avec Loki. C'est un peu bizarre ce que je dis. Mais en plus, j'ai vu récemment, Tom Hiddleston, il est allé, je sais plus chez qui, je crois chez Jimmy Fallon, où il a fait un... Oui, il a été sur un show. Interview où il a dit que sa carrière du coup dans le MCU prenait fin du coup là à la fin de la saison 2. Je sais, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pas le premier à l'avoir dit. Mais... Hein, ouais. C'est pas le premier à l'avoir dit, mais le problème c'est que c'est comme avec Robert Downey Jr. Et tout. S'ils arrêtent, enfin moi pour l'instant quand ils ont dit ils arrêtaient, presque ils arrêtaient quoi. Pratiquement la majorité. Ça me paraît. Enfin ils arrêtent, mais ça dépend du montant qui est inscrit sur le chèque. Hein. C'est ça, et ça me paraît impossible aussi de ne pas le voir dans les... s'ils font le... les Avengers, là, c'est pas possible de ne pas le voir. Bah, c'est ce que je me suis dit aussi, mais après, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Ne serait-ce qu'une apparition, quoi. Oui, voilà, mais elle sera peut-être brève. C'est ça, le truc. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Franchement, je suis un peu... Peut-être qu'il veut prendre une pause pour l'instant, ou peut-être que... Je sais pas. Peut-être qu'ils vont le relancer plus tard, ou peut-être qu'ils vont attendre de voir comment ça va évoluer oui, ou, dans le MCU. Tu sais, des fois c'est des ruses. Ils savent des trucs et ils disent qu'ils viennent pas pour faire la surprise. Et puis, tu le vois d'un comme, seul coup. Je sais plus qui disait, il n'y aura pas les trois Spider-Man dans le dernier. En voilà, fait, voilà. Oui, ouais. Bah. Après, ils n'ont pas très bien... Ils ont pas très bien menti non plus. Ouais. Après, à mon souvenir, c'est un des producteurs. Il a dit que, il a pas dit qu'il n'y aurait pas de saison 3 ou qu'on ne verrait pas Loki. Il a dit que c'est là où se clôture le livre de Loki. Tu vois, non, mais il y aura une saison sur. Ouais. Je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, tu il y aura une série sur la TVA. L'histoire de Loki, c'était comme un livre en deux chapitres et qu'ils avaient fini les deux chapitres. C'est ça, voilà. Ils ne disent pas qu'il n'y aurait plus Loki. Tu sais, ils peuvent faire une super série avec Obi sur la création du TVA. Sur, Ah oui, là, oui. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, je pense qu'ils le feront parce que... Pas... Non, mais sans Loki. Sans Loki. Voilà, sans Tom Hiddleston. C'est sûr. C'est sûr. Oh non, sans Tom Hiddleston. Ou une, série sur ou une série sur Mobius en solo. Oui, ah, non, oui. Oui, ça peut... Oui, ça marcherait ça parce pas, que... Pas la même saveur, quand même. Tu le mets avec Sylvie, histoire d'avoir toujours un Loki. Voilà. Ou tu vois, un variant de Loki, un nouveau variant. Ah ouais, tu lui mets le Loki-Gator. Le Loki-Gator, ça peut être pas mal. Ouais, c'est ça. Vas-y, mort. En plus, il fait mal quand il mort. Non, ouais, je pense qu'il vu le carton inespéré qu'a fait la série, je les vois pas laisser tomber un truc qui marche, quoi. Parce ça t'a fait du bien. Ça t'a fait du bien de revoir une bonne série. Bah, franchement, à part, il y a eu celle-là et WandaVision, hein, c'est tout. Hein. Ouais, j'avoue. Tu l'as trouvé mieux que la saison 1 ? Ah oui, moi j'ai pas aimé la saison 1 de Loki. Et toi, Pauline ? Ah, moi j'avais bien aimé. C'est sûr que la 2 est meilleure, mais ça va, j'avais bien aimé. C'était un peu, on va dire, compliqué à comprendre au départ. Je pense que c'était un peu complexe. On n'était pas trop habitué à ce genre, on va dire, de scénario. C'était très bien au début, mais après, c'était ennuyeux, je trouve. Mais bon. Saison 1 ? Bon, ils sont rattrapés, là, ils sont rattrapés. Ah oui, la saison 2 est parfaite, mais la saison 1 avait très bien commencé. Ah, c'est pour ça, que j'avais peur, parce que je me suis dit, quand j'ai vu la saison 2, j'ai dit, ça commence très bien, ça va faire comme la première, et après, on va partir dans des trucs ennuyeux et tout, et non, ça a été parfait. Non, alors par contre, tu vois, c'est là où, dans la saison 1, t'as raison, t'avais des épisodes boucherous, notamment, j'ai souvenir d'un épisode où il a une planète qui a explosé, il était dans un train avec Sylvie, que j'ai trouvé méga boucherou. Ah oui, j'ai trouvé méga boucherou, que là, je n'ai pas... Tu vois, si on fait un comparatif avec Star Wars, on avait fait, t'avais épisode Bushrou dans Mandalorian, épisode Bushrou dans Ahsoka, mais là j'en ai vu aucun. Non, c'est parfait. Le seul truc que tu peux dire, qu'il y a des personnages, tu vois pas l'utilité qu'ils ont. C'est encore mieux que WandaVision, parce que même WandaVision, il y avait un épisode ou deux un peu. Voilà. Il n'y a rien acheté, Aucun, ouais. En fait, c'est ça, tu commençais l'épisode et plus ça avançait, plus tu disais, oula, en fait, ça va vite, tu t'y attends pas, mais tu vois, tu regardes le début, d'un coup, tu regardes d'où t'en es et en fait, tu vois qu'il te reste que 10 minutes, quoi. Et il y a beaucoup de choses qui sont passées et tu te dis, mince, va falloir attendre la semaine prochaine, quoi, pour savoir la suite. Et en plus, les fins des épisodes, elles étaient tellement. Voilà, t'avais envie de regarder tout de suite le reste. Je pense qu'il y a des gens, ils regrettent pas d'avoir regardé tout d'un coup, là. C'est dans l'épisode 3, je crois, où à la fin, je disais, putain, j'avais envie de taper dans le mur. C'est quand Miss Minute dit à Renslayer, ah, mais tu sais pas pourquoi il t'appréciait. Tu connais pas ton histoire? Ah non, non. Non, le pire, c'est quand ils meurent tous. Horrible. Là, c'est horrible. Ça se termine là-dessus. Et puis d'ailleurs, je sais pas ce que j'ai vu, mais c'est Miss Minute, limite, qui prend du plaisir. Mais qui c'est quand c'est tout à l'heure, elle était horrible. Je te dis, elle était horrible, elle était flippante. C'est cette scène-là, mais affreuse, affreuse. En fait, il suffisait de la débrancher pour ça. C'est elle qui débute tous. Hein. Ouais. Ouais. Avec la même machine que Loki avait avec X5. C'est... Ah ouais, elle active la machine et puis elle est très contente de les voir crever. Elle a des grands yeux de psychopathe en plus. C'est le HAL 9000 du MCU. En plus, X5, je t'avouerai que j'arrive pas à voir le titre. Parce qu'en fait, il y a des personnages, tu dis, ils servent un peu à rien. Sylvie. Ah, Ah, mais lui, non, mais X5. X5, alors lui, qu'il soit là ou pas là, tu t'en fous. Franchement, en fait, moi, j'ai pas compris pourquoi il est. Enfin, honnêtement, raccourci je te dis. Scénaristique. Ouais, mais j'ai rien compris. Mais c'est pour ça, à un moment, bah, comme tu disais tout à l'heure, quand il parlait de. Quand il à un moment, il devait capturer. Enfin, bref, j'ai perdu. Je me suis dit, mais il s'est passé quoi? Je sais pas si c'est moi qui ai raté quelque chose ou. Non, je sais pas. C'est vrai que. Même après, tu le vois acteur, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fout en tant qu'acteur? Tu dis que t'as perdu mais un oui. truc à un moment donné. Quand tu le voyais Oui, acteur complètement. et tout, j'ai fait, mais attends, mais. Je comprends On pas. a loupé Acteur, quelque chose, là. Il y a un trou dans la raquette, là. Hein, il y a quelque chose. Ouais. Mais il y a un personnage, moi, qui m'inquiète quand même. Alors, Miss Minute, bon, elle a été reboot. Hein, on est d'accord. Donc, du coup, voilà. Obi, bon, Obi. Mobius. Sylvie, bon, il semblerait. On regarde un petit peu qu'elle travaillerait peut-être pour le TVA, on ne sait pas trop. En tout cas, peut-être que c'est possible, hein, vu que maintenant c'est plus celui qui demeure, son pire ennemi qui gère ça. Mais je me suis dit, mais Renslayer, en fait. Parce qu'à la fin, Renslayer, elle est. Quand elle s'est fait zipper, là, elle est. C'est plus qu'à. Comment il s'appelle ce monde-là? Bref, elle est, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est par terre au sol. C'est dans le monde où a été Oui. justement Loki, où il a vu ses autres Oui. Loki. Oui. Je ne sais plus comment il s'appelle ce monde-là. Le Voilà, bout du tu monde. l'as. Je sais plus comment il Ouais, s'appelle. tu la vois quand même, même si tu le vois pas, donc ils pourront toujours la réutiliser s'ils en ont envie. Mais on te fait quand même comprendre qu'elle se fait défoncer par le chien, l'espèce de chien de fumée. Aliot. Bah Ouais. non, justement, je sais pas. J'arrive pas à comprendre, en fait. Parce que je lui dis, vu qu'elle avant elle était associée avec Kang, est-ce que le sort de gardien de Aliot, là, est-ce qu'il va pas la reconnaître, tu vois? Donc du coup, pas l'attaquer? Je me demande à quoi elle va servir. Parce qu'elle a été trahie par deux Kang. Le premier, celui qui demeure, et puis Victor Timely, là, qui la met dans la barque. Donc je sais pas si elle va. Vu qu'il y a Kang Dynastie qui est prévu, est-ce qu'elle va aider les autres Kang? Est-ce que c'est un. Je me suis même posé la question de savoir si c'était pas un variant de Kang. Hein. Bah, tu C'est sais, ce il faut. que Oui, moi, je ouais, pense que. beaucoup se sont demandés, ouais. Tu sais, faut pas. Il pose beaucoup de pions pour avoir plusieurs possibilités de. Ouais, mais ils Pour vont. la suite, hein, C'est vrai. c'est. Que. Oui, Parce mais qu'on bon. la verra plus jamais, hein, donc. Bah, je sais. Oui, ou peut-être au final, ils la Oui, mettent c'est ça, là. c'est. Il Elle se pose fait des pions, effectivement hein, tu bouffer sais, par pour. Aliot, Voilà. voilà. Oui. Des 100% routes de du secours sur. futur Voilà, c'est des ça. prochaines séries, prochains films, je pense qu'ils vont se baser là-dessus. Exactement. Voilà. Et ils ouvrent des possibilités, tu vois, comme ça. Enfin, ou. Enfin, c'est peut-être con, mais peut-être qu'à Bah un moment oui, donné, dans un film, on ils sait jamais. vont. Vu qu'elle connaît bien le TVA, son fonctionnement, etc., peut-être qu'il y a un méchant qui va vouloir choper le TVA, va la rencontrer, et puis elle va l'aider à ce méchant-là à prendre possession du TVA, pour justement gouverner le TVA avec lui. Tu vois? Possible. Possible. Peut-être trop loin, mais bon, voilà. Je sais vraiment pas si pour mention du TVA ou si tu le verras dans les films. Hein. Bah, dans Deadpool Pour 3, il moi, semblerait que oui. Hein. on verra. Hein. On Ouais, mais verra dans comment. Deadpool 3, t'as tout et Enfin, n'importe quoi c'est en vrai que t'as un rumeur. Dogpool, donc c'est vrai. Dogpool. Mais bon. Et je me suis posé la question de savoir, tiens. Je me suis dit, bah, Loki, maintenant, il a son trône, etc. Mais et si Thor le revoyait comme ça? Tu vois? Notre Thor. Ouais. Mais c'est pas possible qu'on le revoie pas avec son frère une dernière fois. Forcément, il va y avoir une scène. Parce qu'en fait, il y a un nouveau Thor qui est prévu hein, pour un Oui, moment donné. oui, oui. Waititi est Arrête! dégagé. Ouais. Dieu Hein? merci, pas Ah avec ouais? Waititi. Ah oui, bah, ils ont Ouais, dégagé. il ne Ouais. fera pas le 5, ouais. Ouais, et puis je crois qu'il était un peu déçu. Hein, genre, ah bon, je lui virais. Je crois qu'il avait. Mais Il a, ça. il a... Mais Ouais, il y a un attends, Thor. il a produit Ragnarok. Oui, Oui, voilà. Et Love and Thunder? mais Non, pourtant, enfin, je sais pas, Ragnarok, il était bon, on parle non? Ragnarok, j'ai bien aimé, ouais. Enfin, moi, j'ai adoré. C'est On pourquoi ne ils l'ont parle viré. pas Ah, de ça parce ce qu'il a soir. fait Hein. Love and Thunder. Le Et dernier qu'il a fait catastrophe, c'est Ragnarok, pour c'est ça. vrai. Et qu'il J'avais a fait Ragnarok. oublié. Et qu'il a fait Ragnarok aussi. Moi, non. Ah, mais arrête, non, Ragnarok, il est excellent. J'ai pas aimé. Moi, j'aime bien parce Mais que ça c'est fait penser au stylé. Gardien de la Galaxie, quoi. C'est le même style. J'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Quand Voilà. j'entends dire. Après, je peux comprendre que les gens aient aimé, il n'y a pas de difficulté, mais quand j'entends dire oh, Ragnarok, c'était trop bien. J'ai même un copain, bah, Maxime, Pauline, Maxime qui me dit c'est l'un des meilleurs Marvel. Je me dis, c'est pas possible. Non, non, je ne veux pas. Non, Pour non, moi, mais il est il est parmi mes bon. préférés, hein. Je sais pas, Ouais, moi aussi. franchement. Faut que tu le re-regardes. Bah non. Si t'aimes Gardien en Galaxie, c'est vraiment le même style d'humour, quoi. C'est... Bah oui. Oui, c'est bien. Mais pas... C'est sûr que Love and Thunder, il était un peu too much. C'est trop. Mais je trouve que Ragnarok, ça va. Ouais, c'est bien dosé. C'était bien dosé. Après, voilà, ils se sont dit, il a bien marché, on va y aller encore plus fort. Et en fait, c'est ce qu'il fallait pas faire, quoi. Tu vois, comparé au 1, je le trouve plus dynamique que le 1. Je l'ai trouvé par rapport au 2 aussi, le 2 plat. Est catastrophique. Par rapport au 2 aussi, tu vois. Mais c'est vrai que le... Ouais, le... Non, je le trouvais... Ouais, il était pas mal. Enfin... Bah, l'humour était pour moi bien dosé. Mais aux autres torts. Hein. En tout cas, il n'y aura pas Taika Waititi, donc tant mieux. Voilà. Ouais, tant mieux. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Voilà. Donc, voilà. Et je lui pose la question, justement, moi, est-ce que... Parce qu'en fait, ça va être le cinquième. Ouais, ça va être le cinquième, du coup. Ouais. Je me pose la question de savoir si Chris Hemsworth, il allait vouloir bien renfiler le costume, tu vois. Eh oui, c'est bon. C'est bon. Ouais, ça fait longtemps qu'il est... Mais je croyais que ça avait dit que non. Non. C'est... Mais il dit toujours non. Non. Mais je savourais que ça dépend du montant du chèque. C'est toujours pareil. Oui, non, il a toujours été ouvert. Par contre, il avait l'air de dire que c'était la dernière fois. Et ce qui est sûr, il fera plus la, il va arrêter la gonflette comme il a fait pour le dernier là, parce qu'il a foutu un peu sa santé en l'air, c'est ce qu'il avait dit. Ouais. Donc, mais non, ça il. Ça ne plaisait pas à sa femme aussi. Ouais, c'est possible. Non, ça puis. Ça ne plaisait pas, ça va. Il se met comme non, ça. Pas. Pourquoi non, puis, il était bien costaud. Ouais, ben t'as vu, c'était tout sauf naturel, hein, de y avoir. Donc il a foutu un peu sa santé en l'air et puis il a des problèmes de santé là, de toute façon. Et donc, du coup, là-dessus, il sera moins bodybuildé. Enfin, en tout cas, il sera un peu moins que dans le dernier. Enfin, bon, bref, c'est pas ça qui est important. Mais je crois qu'il, ce qu'il veut, c'est que ça se termine sur une note plus dramatique. Tu vois, Thor, un peu comme on avait dans le premier, si tu veux. Et donc, je vois très bien, c'est clair qu'il sera avec Loki pour le dernier. C'est pas possible autrement. J'ai une question. Il n'y a pas... tu vois, comme quoi Love and Thunder, j'ai rien retenu de ce film-là, tellement que c'est une bouse. Il n'y a pas Hercule en scène post-générique ? Si, à la fin. Ouais. Voilà, c'est bon, tu l'as, ton Thor 5. Le Hercule qui est dans... C'est moi voilà. qui est dans Ted Lasso. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a, Pauline ? Je sais pas si tu connais la série Ted Lasso. Ah si, c'est pas celui qui manage une voilà, école. Voilà, il y a un des entraîneurs, c'est lui qui fait Hercule dans le... D'accord. Thor 4. Ouais, du coup... Mais bon, après, ils peuvent le zapper, hein, ça sera peut-être pas ça. Dans le... Enfin, en tout cas, Thor 5... Enfin, Thor 5, tu veux faire quoi comme histoire ? Bah, sa fille qui grandit. Ouais. Ah oui. Oui, c'est vrai. Tu as toujours un moyen de trouver un truc. Hein. Bah, moi, à part Hercule, grâce à la scène post-gène, je vois pas autre chose. Ou Pip le troll, voilà. Pierre, d'accord. C'est dans Eternal ce qu'il apparaît, je crois, le troll. Bah, ou un nouveau méchant, comme Love and Thunder, ça... un nouveau méchant qui est sorti du... Qui ouais, enfin, était... dans le livre. Hein. On peut arrêter de parler de ce film. En fait, j'ai jamais été aussi heureux quand j'ai appris que Taika Waititi, j'ai vu, ne reprendra pas. J'ai jamais été aussi heureux. Et puis quand tu es toujours déçu, ah bon, je fais pas le cinquième ? Bah oui, tu fais pas le cinquième, tiens. Pas bien sûr. En plus, je crois qu'en plus, Love and Thunder, il a bien marché au final, je crois. Hein. Je me trompe pas. Ils ont pas perdu d'argent, mais il a eu une très mauvaise réputation. Et le 4 est un des plus gros succès de Marvel en termes de box-office. C'est pour ça qu'il a été le vent en poupe. C'est pour ça qu'il voulait le mettre sur les nouveaux Star Wars aussi. Ouais. Et en fait, il a fait des bons films et des bonnes, très bonnes séries. Hein. Donc, il peut faire des très bons trucs. Hein. Oui, mais bon. Là, non, il est parti dans. C'était des trucs à la Zucker un peu. C'était des blagues un peu graveleuses, faciles. C'était ridicule. Et quand tu le vois à poil devant en Zeus, tu te dis, mais non, mais c'est tort, quoi. Il n'est pas à poil devant Zeus. Parle de Zeus qui ne parle de toute façon que de partout. Ouais, c'est ça. Enfin bref, ça fait peur. Bref, donc je pense comme vous qu'il va au moins revoir son frère au moins une dernière fois. Mais à quel moment, à votre avis, on reverra Loki réellement ? Quand je reprends les films à venir, moi je vois que dans Kang Dynasty. Je vois pas ou dans le Secret War. Ouais, non, Ouais, c'est ça. Pas toi, Mika. Je serais plus parti pour du Secret Wars, effectivement, éventuellement les revoir avant un soft reboot de cet univers. Je Parce pense que que quand c'était tu... le meilleur moment de tous les revoir au moins une dernière fois, quoi, avant de passer à un renouveau, quoi. Avant de refaire revenir Captain America et Iron Man. Voilà, Comme le pour moi, disent les rumeurs. techniquement, les anciens C'est bon. acteurs pourront revenir pour ça, Enfin, mais ça a l'air au pire. des rumeurs plus que rumeurs, là, quand même. À mon avis, C'est Chris beau Evans, de rumeurs. il a plus ou moins confirmé, hein. Bah, ça va être Non. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., il a rien dit encore, mais Je suis en train de ouais. regarder. Mais Ouais, bon. il pourrait. Parce qu'il pourrait apparaître dans Secret War. Mais bon, c'est 2027. Il y a le temps, hein. Ah T'as le bah temps de voir tiens, venir. Hein. regarde, je suis tombée là-dessus. On voit rien. Attends, on voyait On pas. voit rien. Attends. Mais de toute façon, Je il dit Taika Waititi. Ah, c'est Taika Waititi, là? Ouais, c'est Ah, lui, ouais. je pense que Ouais. tu parles de... c'est quoi? Il y a marqué Taika Waititi a dit qu'il ne sera pas de la partie dans Thor 5. Oui, mais je crois qu'il est justement, il est un peu vénère. Il l'a Capable. mauvaise. Je suis pas Il l'a. sûr, mais... De loin avec la photo, j'ai cru que c'était Pedro Bon, Pascal. bref. Moi aussi, j'ai cru que c'était Pedro Pascal, parce que Ah! justement, Il les a fait plein quatre... Oh non, de... on n'en parle pas. Il a Non, fait non, plein non, non, non, d'épisodes non, du non, non, Mandalorian, non, non. hein, Taika Waititi. Dégoûté. Pourquoi t'es Il dégoûté? Parce que est c'est pas bon. Jack Gyllenhaal, c'est ça? Non, mais dans... vous avez vu pour la saison 4 de Mandalorian? De quoi? Non? Bah, en Bah, gros, c'est il pas sera lui pas. Il sera. principal. C'est pas lui? C'est pas lui qui. Bah, c'est Pedro pas le Pascal? personnage principal. Dans la saison 4 de Mandalorian? Oui. Mais en même temps, Ça. ils ont dit que le Mandalorien, ce n'était pas lui, le Mandalorien dans la continuité, ça se voit avec la dernière saison. Oh, ça fiche. Ça C'est va être Pedro Grogu. Pascal. Bah, c'est Enfin, après, Pedro Pascal, dans la dernière saison, il y est 10 minutes, hein, même pas. Il a fait 3 plans, je C'est pas crois. grave. Ouais, C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, tu vas le voir normalement, Monsieur Ça Fantastique, parce que j'ai suffit. compris. La rumeur court que c'est lui. C'est ça. La rumeur, après, Ah encore oui, une ça suffit. fois, la rumeur. Bah, il est Toujours les en rumeurs. négociation. Ouais. Mais on devrait se marquer les rumeurs, les dates où on les entend. Et quand on Là, ça sait peut être les drôle. épisodes, les Et... prochains, Ouais. on peut revenir dessus du coup et se Tu dire, ah reviens bah sur tiens, toutes ce les jour-là, rumeurs, t'avais ouais. dit Ça qu'il y avait peut être ça. un bon podcast, ça. Et podcast des ouais. rumeurs. Les Les commères de commères, ouais. Marvel. Ouais, c'est ça, les commères de Marvel. Ouais, on va faire ça. Les commères de Marvel. Je vais l'appeler comme ça le podcast. Les commères de Marvel. Ça. Mais, bon. Loki, je pense qu'on le verra dans Secret War. Je pense pas qu'on le voit avant. Le TVA, je pense qu'on va le revoir, par contre. Ça, beaucoup plus que. Oui. TVA, ça place dans Kang Dynasty, Mais mais dans Deadpool. ouais, ou dans Deadpool à voir. Non, je suis pas autant convaincu pour Deadpool parce qu'il a quand même un appareil qui sert à voyager dans le temps et éventuellement dans les dimensions. Ça me choque Merci Cage. pas. Après, c'est pas censé être le même Deadpool que dans le 1 et 2. Oui, il le sait lui-même. Mais il le sait. Voilà, parce que lui, il le sait. Ou dans She-Hulk, il va apparaître dans She-Hulk. On va rester dans le vert. Ça serait bien. Aussi. Je serais absolument pas étonné que Deadpool apparaisse dans les différentes séries, ou du moins que dans son film, tu le vois y passer par les différentes séries. Donc peut-être Mais. tu reverras Loki à ce moment-là. Oui. Mais Loki, en fait, je me pose la question de savoir à quel moment il va sortir de son siège, de son trône, parce que je sais pas si vous avez vu, il a des branches de partout, en fait. Ouais, mais s'il Et sort, il se passe ça, quoi, c'est ça? ça? il Parce que sortira c'est quand même, quand? il a ravivé. Parce qu'en fait, il a ravivé des branches. Parce que Ouais. comment il s'appelle? Victor Timely dit, mais en fait, on peut pas contrôler le cœur, puisqu'en fait, les branches se développent à l'infini. Donc en fait, le cœur n'arrivera pas à maintenir. Et tu apprends qu'en fait, c'est pas pour maintenir les branches, mais c'est pour maintenir le flux temporel, si j'ai bien compris. Et en fait, quand il avance, il y a plein de branches partout, il y a même des branches mortes. Je sais pas si Oui. vous avez fait. Et du Après, coup, je pense qu'il doit en partie essayer de les gérer, lui, pour savoir quelle branche il va garder ou pas. Parce que ce qu'on lui dit, c'est qu'il ne pourra jamais toutes les garder. Mais que il faut savoir faire le sacrifice de sacrifier certaines branches. D'où je vous expliquais Secret War, on le verra plus là. Parce que le principe de Secret War, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'idée. Je crois qu'on avait déjà parlé, Mika, dans un podcast Secret War, je sais plus. On peut parler, mais oui, c'est Ouais. essentiellement un gros mélange, un gros, enfin, pas mal de variants qui vont se taper sur la gueule quand même. C'est ça. sur un seul monde qui s'appelle le Battle World. C'est ça, l'univers qui reste. Ne parlez plus de variants, ça me fait penser au Covid. Variants, c'est eu. Alors, comment tu veux qu'on dise alors? Non, je plaisante. Mais moi je pense qu'on le verra plus là, parce que vu que maintenant il est vu comme le dieu de l'histoire du MCU, s'il manipule les branches, etc. Et si maintenant les Kang, il y en a partout. Donc c'est son principal danger, c'est les Kang, si j'ai bien compris. D'ailleurs, c'est ce que lui dit celui qui demeure, je crois. Fais gaffe, ils vont arriver. Bah, lui, pas comme ça, mais presque, quoi. Donc, après, la question que je... C'est une possibilité qu'on le lève de son trône et qu'effectivement, il ne reste plus que ce monde-là où tout est réuni en même temps, ouais, parce qu'il n'est pas là, et c'est pour ça qu'il y a le Secret War. Ouais. Il ne reste plus qu'un seul monde. Voilà. Sauf que dans Secret War, celui qui dirige le Battle World, c'est le Docteur Doom. Fatalis. C'est pas Loki. Tu vois. Il y a des rumeurs comme quoi Fatalis allait remplacer... Comme quoi Fatalis serait le nouveau grand méchant à la place de Kang pour pouvoir jarter l'acteur, justement. C'est un peu la rumeur qui tourne. C'est chaud. Mm-hmm. Franchement, un acteur, il a fait ce qu'il a fait, c'est. Il a fait ce qu'il a fait, il n'est pas condamné encore, hein, c'est ça le problème? Non, il n'est pas condamné. Mais, ça se trouve, il n'a rien fait, hein, c'est comme Johnny Depp. C'est Johnny Depp, ouais, c'est... on le vire. Bon, bah, en fait. Tu peux revenir. Et là, je vois, j'y arrive, il fait. Ok, sortez le chéquier maintenant. Apparemment, il a perdu plein de... Non, mais apparemment, ça va se faire, hein, Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp. Oui. Il voulait faire un Pirate des Caraïbes avec une femme, je crois. Margot Robbie, tu sais la rousse qu'on voit dans l'attraction là. Avec Margot Robbie. Ouais. C'est celle qui joue. Margot Robbie, c'est celle qui joue dans Barbie. Harley Quinn. Barbie. D'accord. Ok. Bon, bah, ça va. On va pas être perdu. Mais du coup, elle joue pas. Non. Ça aura déjà dû être tourné depuis longtemps. Ouais. D'accord. C'est tourné avec Johnny Depp, du coup. Mais c'est sûr, ça? Bah, Johnny Depp, il demande un cachet monstrueux. Et... En même temps, il a dû perdre tellement d'argent, tu sais. Et il demande, je sais plus quoi. Disney s'excuse publiquement, je crois. Je sais pas quoi. Je sais plus, mais c'était une connerie du genre, même s'ils me proposent 300 millions de dollars, je viens pas. Ils ont proposé 301 millions, tu vois, en disant non, mais regarde, reviens. Un truc du genre. On s'est dit quand même. Ça, c'est le budget de cette série qui s'appelle Secret Invasion, non, 300 millions. Ouais, ça doit être ça, ouais. J'ai pas vu, ça sert à rien, ça. c'est là où tu vois. Non, mais c'est toutes les séries, hein, c'est dans les 300 millions, toutes les séries à peu près. C'est là où tu vois l'irrégularité totale de Marvel. C'est-à-dire que tu regardes Quantum Mania, tu fais « Ouais, ça se regarde, c'est sympa. » Franchement, j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé. Après, tu as eu, comment ça s'appelle, Guardians Galaxy. Voilà, pleure pas, Pauline, s'il te plaît. Voilà, Guardians Galaxy 3. Donc, la hype et tout, c'est trop bien. Tu as eu Secret Invasion. Voilà, tu es en PLS, quoi, sauf Olivier. Voilà. Et on après, en parle de chez Hulk. Non, mais... il a compris. C'est pas pire, hein, franchement. Non. On disait Thor Ragnarok avant, mais chez Hulk. Chez Hulk, l'humour est encore plus pourri. Hein. Et les effets spéciaux de chez Hulk, c'est sensationnel. Oh. C'est le seul point négatif, je dirais. Non, mais c'est pas le seul. Hein. Pourtant, je suis fan hardcore de l'actrice. Hein. Je l'adore vraiment, mais franchement, elle sauve pas le truc. Bon, bref, après, t'as eu Loki, donc tu fais waouh, trop bien, Loki. Ouais. Donc, je me dis, bon, Marvel, ça doit pas être tip-top, parce que vu que t'es sur un truc bien, pas bien, je fais bon, l'irrégularité de. Voilà. Si j'avais bien aimé, c'était Eternals. Je me suis en kikiné, moi. J'ai adoré Eternals. J'ai passé un bon moment. Mais il faudrait que je le revoie parce que je m'attendais pas à ça. Et en plus, il est même pas sur Disney+, je sais pas pourquoi. Et en plus, tu vas avoir un 2. Parce qu'ils ont annoncé. Pas encore. Mais pour moi, Les Éternels est un des meilleurs films qui est sorti. Oui, c'est ce que beaucoup de gens disent. Mais en fait, moi, c'est ça que je veux voir. C'est des films comme ça, pas des films bêtes et méchants avec aucun scénario ou. Ça fait taratata, et quand c'est fini, ils sortent une blague, puis retaratata, une blague. Par contre, il y a quand même un point négatif à The Eternal, c'est qu'il y a quand même des longueurs. Même si c'est long, il y a quand même des fois des longueurs. Ouais, mais franchement, moi, j'aime les films de ce genre-là, quoi, et c'est... Ça fait un peu épique, tu sais, c'est un peu... Ça n'a pas plu parce que ça fait pas film de super-héros, ça fait pas... Parce que c'est pas non, un film c'est ça. Super-héros. Voilà, c'est ça, c'est pour ça, t'as l'impression que c'est... Surtout que Icaris, qui est censé être l'équivalent de Superman, non. Oui, et c'est, moi, ça m'a surpris aussi quand je l'ai vu, mais je pense qu'il faudrait que je le revoie, mais je comprends pas pourquoi il est pas sur Disney+, alors qu'il y a des films plus récents qui sont sortis pourtant, après. Doctor Strange est sorti. Il y a Doctor Strange qui 2. Bien, il y a ouais, pas... qui était bien. Qui était bien, mais il n'y a pas les Eternals sur le... avec un VPN. Mais... Disney+, américain, il est juste pas sur le nôtre. Hein. T'as regardé mais pourtant il est sorti. Pourtant, la politique a changé. La politique a changé. Avant, c'était 3 ans pour être publié sur une plateforme de streaming en France. Et maintenant, c'est passé à 1 an. Parce que Doctor Strange, du coup, ça fait 1 an. Doctor Strange 2, alors qu'il n'y a pas les Eternals, je comprends pas. Oui, parce que les Éternels datent de l'ancienne politique. En sûrement. Fait, tu peux. Pour te contredire, Pauline, tu peux le faire avant 1 an, à la condition. 18 mois. Avant 18 mois, à la condition qu'une chaîne à la télé l'ait diffusée. Je donne un exemple. Encanto est sorti. Encanto est sorti sur M6. Ouais. Le lendemain, Doctor Strange 2, il n'est pas passé à la télé. Hein. Non, mais quand il sortira à la télé, le lendemain, tu l'auras. Mais il y est déjà. Il y est déjà, Doctor Strange, si. Il y est. Je t'assure qu'il y est. Regarde, ça fait combien de temps qu'il est sorti déjà? Il y a 15 jours, 3 semaines. Ça fait au moins 2 semaines. Non, le film au cinéma. Et il est sorti bien avant, un an avant. Il y a un an, ouais. Oui, un an, ouais. Eternals, ouais. Donc il est sorti avant Doctor Strange 2, bien avant même. Ouais, mais c'était, j'allais dire, non, pas avant le Covid, j'abuse. Un petit peu après le Covid, non? Un peu le retour, parce que c'était compliqué d'aller au cinéma à ce moment-là. Attends, je... Ah oui, parce qu'on avait le masque quand on est allé le voir. Attends, je vais vous dire ça. 2021. Donc ouais, un peu après quoi, le Covid. Le 5 novembre. Aux États-Unis, 5 novembre 2021, les Éternels. Oui, du coup, 18 mois après, non? Enfin, 3 ans, 2 mois. Regardez. Oh, faudrait que je fasse un podcast où j'explique la chronologie des médias. Tu sais que je l'ai fait dans un... Je l'ai fait sur une chaîne YouTube d'un YouTuber. Ouais, Doctor Strange 2 est sorti le 4 mai 2022 en France. 4 mai 2022 Non, mais je pense que Mika a raison. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas rétroactif. C'est-à-dire qu'en fait, la nouvelle loi a été passée pour la chronologie pour des le médias. Pour le Doctor Strange, ouais. Donc lui, là, c'est débile, mais donc lui, il a le droit de sortir 18 mois plus tard, mais pas les anciens, pas ceux qui étaient avant. Je pense que c'est ça. Oui, après, ils s'étonnent que les gens piratent, mais bon. Mais non, tu prends un VPN. VPN. C'est pareil, normalement, c'est pas autorisé. Hein. Ah non, t'as un vide juridique. Donc, Ouais, mais tu as des plateformes, souvent, oui. Disney+, ça commence à être chaud, il y a des plateformes qui verrouillent le truc. Hein. Oui, Amazon Prime. Netflix. Ouais. Non, bah non, ça marche. Netflix, ça marche. Ah non. Netflix, ah ouais, ça marche. Ah bah, mais vous avez lequel? Moi, j'utilise... Comme VPN. Comment ça s'appelle Ghost machin là? Ghost. Bah quoi, c'est légal, t'as dit? Faut pas dire. Moi, c'est celui qui commence par le contraire de Sud. Payant. Qui est par payant. Le contraire mais de oui, Sud. Mais si tu payes, c'est quand même pas légal? Ben normalement, ça, un VPN c'est légal, mais c'est pas, ça sert pas à ça. Un VPN, moi, c'est le petit fantôme. Le petit fantôme. Petit fantôme, il marche très bien, petit fantôme. Voilà. Par exemple, moi, quand je regarde la chaîne d'Olivier avec les filles, on met. Le petit fantôme. On regarde du Chili, du Mexique, comme ça, il est content. Parce qu'après, quand oui, je vais au quand parc, ça, il a des l'auditeur du monde entier. J'ai des vues supplémentaires. J'ai un mec qui m'a regardé du Venezuela. Je suis là, c'est moi. Waouh. Excellent. Voilà. Bon. Je pense qu'on a fait le tour de Loki parce que j'ai plus de thème. Oui. Voilà. Oui. À moins que vous voulez faire quelque chose en particulier, mais je pense qu'on a fait le tour de Loki. Si. Moi, j'ai un truc à dire. Vas-y. Juste un truc à dire qui n'a pas été dit. Et je pense que c'est important de le souligner. Dans la saison 2, je trouve la musique, surtout du dernier épisode. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais moi, je l'ai trouvé incroyable. Le générique, j'adore. Mais je n'ai pas fait gaffe. De toute façon, la musique en général, que ce soit la saison 1 ou la saison 2, c'est un régal. Ouais, là, franchement, j'ai trouvé, surtout sur le dernier épisode, franchement, incroyable. Ça ne faut pas la musique de She-Hulk. Parce que la musique dans She-Hulk. Oh, oh bon, on rappelle même pas. Non, à fond. C'était tap tap tap tap tap tap tap tap. Non, non, c'est ça. C'est pas ça. Non, c'est OK, ça. Non. Oh non. C'est pas ça. Voilà. Oui, alors si je devais faire l'information, mais ça n'a rien à voir avec Loki, pour les abonnés de Audible. Et on va faire un podcast pour ceux qui l'ont écouté, notamment Olivier, je crois. Ils ont sorti le nouveau... je sais pas, tu as commencé à les écouter ou pas? J'ai écouté ceux de Gardien de la Galaxie avec José Garcia et Antoine de Caunes. Oh, c'est bien, c'est franchement. C'est bien. Hein ouais, c'est très bien. Donc, ils ont sorti des livres audio Marvel, Westlanders, et on en parlera, je pense, pour ceux qui. Bah, si t'as Olivier, t'as écouté. Et là, ils ont sorti celui avec Black Widow. Et la voix, c'est qui fait son lui? Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Et je te jure, ça lui va super bien. Catherine Deneuve. C'est plutôt Catherine Docas, non mais. Tu sors. Bon, je sors. Je valide. Docas. Attends. Après, enfin, moi je parle de sa voix après. En tout cas. Ouais, non, mais c'est une superbe actrice. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'on fera un podcast là-dessus. Avec plaisir. Oh, Docas, ça va. Ah, si, quand même. Si c'est Docas. Hein. Si c'est Docas. Oui, c'est Docas. Oui. J'ai refait la carrosserie plusieurs fois. Hein. Ouais. Il y a des babines. Voilà. Comme on dit. Ouais. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est plus la même. Bah, c'est comme Brigitte Bardot. Hein, c'est plus la même. Brigitte Bardot, ouais, c'est plus la même. C'est plus la même non plus. Voilà. En tout cas, elle a. Enfin, bref, la voix. Donc, pour ceux, parce qu'on m'avait posé la question, pour ceux qui ne savent pas, du coup, il y a le troisième livre audio de Audible avec Black Widow. Et j'ai commencé à l'écouter et il est trop, trop bien. Voilà. Et ben, on va s'arrêter là. Puisque en fait le prochain podcast est sur The Marvels, voilà. Donc et il y a deux scènes post-générique, c'est ça? Ouais, il y en a une qui est vraiment de suite au début du générique et une qui est au milieu du générique et celle qui est au milieu du générique. Ah bien. Incroyable. Elle envoie, disons qu'un des trucs que tu vois dans ce film, clairement un des trucs à venir du MCU et je me languis vraiment, vraiment, vraiment que ça arrive. Oh. Alors, c'est simple, c'est parce qu'il y a She-Hulk, c'est ça? Ah, presque. Ah! À mon avis, elles sont visionnables sur YouTube. Elle est visionnable. Spoiler, je m'étais fait spoiler avant non, de la voir. Non, je n'ai pas regardé. Non, je n'ai pas regardé non plus. Déjà, tu sais que quand je scroll sur les réels TikTok, je me suis fait, l'autre fois, j'ai pété un câble parce qu'il y en a un qui m'a envoyé le nouveau spectacle de drone de Disneyland Paris sur Power of Night, of the Night. Ça m'a un peu écœuré. Maintenant, dès qu'on voit une vidéo d'un auditeur, je zappe. Et j'attends de voir. Voilà. Du coup, Olivier, petite promo pour toi. Donc, toujours Olive in Wonderland. Oui, toujours. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Toujours la chaîne YouTube. Oui, vidéo de la dernière sur la saison de Noël. Ouais. Qui vient de commencer. Ouais. Voilà, avec une très très belle parade. De nuit. Maintenant, il y en a deux de nuit. Oui. Mais contrairement à l'année dernière. À 19h10. Et 17h quelque chose, je ne sais plus. C'est 19h10, nous on va quand on y va. Elle est trop belle. Ouais. Donc, d'ailleurs, tu m'as hurlé dessus apparemment, mais je ne t'avais pas entendu. C'est ça, quand tu es une star, tu es entouré de fans. Donc, ouais, c'est pour ça. Voilà. Et on peut le retrouver aussi sur MSA, le podcast oui, des copains, tout à fait. Les copains de MSA. Voilà. Main Street Actu, donc le dernier qui est sorti aujourd'hui même avec Stéphanie de Roller and Dreams. Ouais, c'est sur les soirées passe annuelles. C'est ça. Et on débat sur la soirée passe annuelle idéale. Ah, moi je la connais. Moi. La soirée passe annuelle que je préférais, je la connais. C'est une soirée passe annuelle uniquement centrée sur les films au cinéma, Indiana Jones, Star Wars. C'est Marvel, juste ça. C'est sous toute la licence Disney, Marvel, Star Wars. Une soirée comme ça me plairait. Voilà. Mmh. Bref, j'ai pas écouté encore, donc j'écouterai, je pense, lundi. Voilà, peut-être pas sûr demain, mais lundi. Pauline, du coup, toi toujours sur Insta. Oui, TikTok. TikTok, plus sur TikTok, c'est vrai qu'Insta Pauline ne bouge pas trop en ce moment. C'est un peu endormi. C'est endormi? Il faut qu'on remette. C'est TikTok. Il faut que je réveille. Ouais. Bon. Et TikTok, du coup, ça, c'est quoi TikTok? C'est sur quoi? C'est comment s'appelle ta chaîne? C'est Insta Pauline aussi, je crois? Non, Pauline DLP. Non, c'est Pauline DLP, ouais. Oui, Pauline DLP, je me souviens. Voilà. C'est ça. Donc, Pauline DLP et Mika. Bah, du coup, Mika, il a des nouveaux tatouages. Ça y est. Non, toujours, non, toujours pas? Non, mais il va falloir que je m'y remette cette année-là. D'accord. Il y a encore de la place sur son corps. Voilà. Ah oui. Voilà. Et maintenant, il a une belle barbe. Voilà. Donc, c'est on dirait un spartiate à moitié. Ça fait peur. Un peu, voilà. Un peu. Ouais. Bon, les copains, merci en tout cas pour avoir participé à ce podcast. C'était un débrief assez court sur Loki. Donc, au final, si je résume, ça fait du bien d'avoir une bonne série MCU. Hein, on va dire ça. Ça fait du bien après. À regarder l'urgence pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est ça. Et je vous conseille de regarder la saison 1 avant quand même. Mmh, ouais. Bah, oui, moi, ouais. Je la refaire la saison 1 d'ailleurs. Parce qu'en fait, il n'y a que 6 épisodes en plus. Pour les deux saisons, donc ça fait 12 épisodes. Vous pouvez vous enchaîner les deux saisons. Ça dure oui. Le temps d'une série normale, en fait. 12 épisodes. Voilà. Oui, et puis c'est en tout 30. Vous n'aurez pas à attendre chaque semaine. Et c'est des épisodes qui sont pas, qui sont d'une durée 40 minutes, 50 ouais. minutes maximum. C'est très bien, quoi. C'est très, très ça bien. Passe vite. Ouais, oui, c'est super. Ça passe vite. Prochain podcast, c'est sur le film The Marvels. Donc d'ici une semaine ou deux, je ne sais plus sur le calendrier qu'on a. Voilà. Et... et puis il y aura un épisode spécial sur Lost, la série. Oh là là, j'ai un tatouage Lost. Hein. Oui, mais je sais où il est, mais il faut pas le montrer à la caméra. Ah bon, être choqué. Voilà. En tout cas, sur Lost à Noël, et puis il y aura retour de Mathieu pour l'Orcana, chapitre 2. D'accord. Voilà, pour en parler aussi. Et puis on va faire aussi les What If. On va en parler. Donc voilà, il y aura de l'activité. Voilà. Il y a matière. Il y a matière, effectivement. Et puis écho, bien sûr aussi. Voilà. Donc il y a matière. Voilà. Merci beaucoup les copains. De rien. Merci. De rien. Épisode toujours de qualité avec vous, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bah du coup, je le mettrai demain. Voilà. Oui, parce qu'il est tard. Parce qu'il est tard. Voilà. Non mais il sera ce soir. Enfin ce soir pour demain. Voilà. Non, il se trouve, il sera ce soir à minuit, ça se trouve. Voilà. Allez, la bise à tous, au revoir. Bye. Bye bye.